Cette émission est sponsorisée par HongKongStyle.fr, société de vente en ligne de produits dérivés, toys, goodies et accessoires mobiles dans le monde des comics, films, séries TV, jeux vidéo et manga. HongKongStyle. Bonjour et bienvenue dans ce 21e épisode de Flashpoint consacré au mois de mars 2016. Alors, donc nous sommes donc toujours avec la même équipe, avec Cédric, Salut à tous. Vinch. Salut. Spectra n'est pas là exceptionnellement, donc il sera là le mois prochain, vous inquiétez pas. Et on a comme invité Fabien. Salut. Bah, présente-toi un petit peu, Fabien. Je me présente dans quel sens de ce que. Je sais pas. Ta taille, mensuration, âge, tu dis à tout ça, quoi. Âge, sexe, ville. Les trucs qui intéressent, c'est les gens qui lisent des comics, quoi. Ah, Voilà. je fais 1m85, je pense que ça va être la taille de Batman, à peu Ouais. près. Il va être un peu plus grand. Ouais. Et non, mais Ça, je pense qu'on sinon. s'en bat les couilles, mais sinon. Je viens du sud, pas comme Batman, parce que je pense qu'il vient pas du sud. Ouais. Mais non, mais sinon, j'ai commencé les comics grâce à Snyder, à Zack Snyder, parce que j'ai. Oh merde. Ouais, c'est chaud ça. J'ai vu Watchmen et je me suis dit j'ai vu que c'était adapté, donc je me suis dit qu'il fallait que je le lise. Et puis à partir de là, j'ai commencé à lire des comics. Donc c'était une bonne entrée dans les comics, on va dire, de commencer par Watchmen. Voilà, tu vas pas faire l'unanimité, hein. Arriver dans les comics grâce à Zack Snyder. Et Ça, puis c'est la voilà. première fois que j'entends ça. Ah oui? Ah ouais. Et non, mais voilà, après, ça fait plus moi 4 ans que je lis des comics, mais bon, principalement DC avec un petit peu d'indé, et puis voilà. Et de Marvel au niveau des X-Men. D'accord, ok. Bon ben alors on va attaquer avec les news cinéma. Donc vu que normalement c'est Spectrum mais qu'il est pas là, donc c'est Cédric qui va s'y coller. Ouais, ça marche. La première news, c'est qu'il y a un nouveau trailer, ça doit être le 18e, qui est Non, sorti pour le non, non, film non, non. Suicide Squad. Troisième, troisième. Arrête, j'ai l'impression qu'il n'y a que ça des trailers pour Suicide Squad. Tous les mois, on dit qu'il y en a un nouveau. Ah non, non, je te jure, je crois qu'il y en a que trois en tout. Hein. Il y en a trois, oui. Ouais, il y en a que trois. Hein. Bon, mais c'est chaque fois, on en reparle, c'est pour ça. J'ai l'impression d'avoir déjà vu le film, en fait, maintenant. C'est vrai que là, ça commence, faut. Moi, je vais m'arrêter là aussi. Hein. Avec des images inédites dans ce trailer. Bah, le trailer, il est chouette, hein. Il Ouais. donne envie, je sais pas ce que vous en avez pensé, moi il m'a bien plu, mais là je commence à faire le trop-plein de trailers, hein. Ça y est, hein, sur ce film-là. Moi j'avais bien aimé le premier, j'avais bien aimé l'ambiance, la musique lourde, j'avais bien aimé la deuxième avec c'était quoi, c'était Queen. Ouais, c'était trop humoristique le deuxième. Ouais, la deuxième c'était trop forcé. En plus, moi la musique je déteste, donc désolé, hein, je suis pas un fan de Queen, mais la musique je déteste, je trouve que ça niquait tout le délire. Et là, la troisième, j'ai trouvé qu'elle passait crème. Mais après, ouais, je vais m'arrêter là parce que si c'est pour tout avoir vu, c'est pas la peine. Mais du coup, la troisième m'a bien remotivé après une deuxième décevante. Vinch? Je n'ai pas vu le dernier trailer, je n'étais pas au courant qu'il était sorti. Oh là là. Je l'apprends maintenant en direct avec vous. Sérieux? Ouais, non, j'avais pas fait attention. Ah ouais, Je d'accord, n'avais ok. pas vu. Parce que je regarde plus trop les trailers et tout, je me réserve pour les films. Ah, mais t'as Donc, raison. je suis plus trop les infos sur les films. Ok. Fabien, t'as pas donné ton avis? Si tu dis, moi j'avais bien aimé le second, parce que j'adore Queen. Ah merde, ouais. Et après le troisième, je voulais pas le regarder. Mais je me suis laissé tenter et puis bon, ça envoie au niveau du montage et ça envoie pas mal donc mais bon, je pense que je vais arrêter de regarder parce que Ouais, tu sinon veux. ça va faire le trop plein d'images Ouais, comme nous, quoi. Ok, bah Cédric poursuit. On continue. David Ayer, il est hyper chaud pour une suite rated R de Suicide Squad. Donc le film n'est pas encore sorti, il pense déjà faire une suite et c'est plutôt bon signe. Je sais pas si le studio est déjà partant, mais lui en tout cas il est partant, c'est plutôt cool. Ouais. Rated R, je crois que le film est déjà le premier, non? Non, il non, est non. PG-13. Ah mince, ok. Et d'ailleurs, Vince, tu peux t'inspirer de l'accent de Cédric pour tes. Oui. Rated R. Ah, parfait. Laisse tomber, c'est comme d'habitude en fait. Rated. Rated R, et c'est bon, on comprend. Et toujours sur Suicide Squad, on a des reshoots. Par contre, il y avait des rumeurs qui couraient comme quoi ce serait pour rajouter des scènes de fun. C'était surtout à la suite de la sortie de Batman Superman, il y avait beaucoup de critiques là-dessus, mais en fait, non, c'est des reshoots assez classiques sur ce genre de film, il y en a souvent. En fait, moi j'ai vu un paquet de sites merdiques habituels, des trucs à buzz, là, comme Combini. Je sais plus c'est quoi, tous ces sites-là qui connaissent. Écran large. Écran large, ils en ont parlé. Je sais pas. Enfin, moi, j'ai vu tout un tas de trucs de merde là qui disaient que voilà, il y avait pas assez d'humour, alors il fallait genre les mecs en une semaine, ils ont prévu de reconvoquer tous les acteurs, ils ont remonté les chantiers et tout ça à la va-vite pour mettre de l'humour. En fait, c'est n'importe quoi. Les trucs, c'est prévu depuis janvier en fait. Non, parce mais ça arrive que... souvent parce que quand ils finalisent les effets spéciaux, ils se rendent compte qu'ils ont besoin d'avoir un plan. Ouais, bien sûr, mais en plus, vu le nombre d'acteurs, tu peux pas prévoir ça une semaine à l'avance, quoi. Donc, encore une fois, bon, moi je vais plus sur aucun site pratiquement, je vais juste vite fait en dernière minute voir les sites, voir pour faire le conducteur. Mais sinon, je vais plus sur aucun site parce que dès qu'il y a un truc à sortir, tout le monde balance de la merde. Il y a un site américain qui dit de la merde, il y a tous les sites français qui répètent de la merde en boucle, qui vérifient aucune source. Donc. C'est un peu hallucinant quoi. Donc voilà, apparemment c'était prévu depuis janvier, donc c'est pas. Tous les trucs qui sont sortis, c'est de la connerie, faut pas les écouter quoi. Enfin bon, ce sera pas la dernière fois que. Dis donc, t'es de bonne humeur aujourd'hui, Wally. Non, non, je suis normal et tout, mais c'est vrai que c'est. Franchement, c'est un peu relou quoi. Non, non, mais enfin, c'est l'internet. Ouais, mais après, tu pourrais te dire que les Français ils pourraient revérifier, tu vois, et après ne pas sortir la news, mais en fait, comme les sites américains la sortent et que d'autres sites français qui font de la merde ils la sortent aussi, ben eux ils se disent pourquoi pas faire du clic, donc viens, on fait de la merde aussi quoi. Et en fin de compte, ben t'as des fausses idées qui se propagent de partout. Moi, je m'en bats les couilles, c'est pas grave, hein, mais bon, c'est vrai que le mec qui connaît pas trop, il va gober le truc quoi. Le grand public qui comprend rien, il risque de gober le truc et de croire que. Enfin bon. Non, non, après, moi je le vis bien, je m'en bats les couilles, de toute façon, il n'y a pas de. C'est important d'avoir des vues sur ton site, ça tu peux pas, ça tu ne comprends pas. Ben moi, il faut que les sites français soient médiatisés. Ben moi, j'ai pas de vues sur le site, mais je m'en bats les couilles, quoi. Je taille pas des pubs pour en avoir, quoi, tu vois. Donc après, voilà, chacun il fait ce qu'il veut, mais non. On devrait faire pareil, mais sur les films Marvel. On devrait dire du mal des films Marvel. Ben non, parce que nous, l'intérêt qu'on a, malgré le peu d'audience qu'on a sur le blog, c'est que comme on disait avant l'émission, c'est que ce qui nous intéresse pas, on n'en parle pas, quoi. Il n'y a aucun intérêt de faire des émissions pour tailler des trucs. Si ça nous intéresse pas, ben on n'en parle pas. Vaut mieux parler de ce qu'on aime que de détruire ce qu'on n'aime pas, quoi. Je vois ça comme ça, quoi. C'est pas moi qui vais aller sur le post de Civil War sur Facebook pour aller défoncer le film, quoi. Je préfère aller sur le post de Batman Superman et de dire ce que j'aimais. Mais t'as des mecs, c'est leur métier de venir et de te niquer ta passion, tu sais. Ben ouais, je vois pas l'intérêt. Enfin bon. Ouais. Là, c'était parce que c'était dans le buzz avec la sortie de Batman vs Superman et ça permettait d'enfoncer le clou comme quoi il y avait pas de fun dans le film et que il y avait des reshoots pour ajouter du fun parce que du coup. Oui, voilà, mais c'est comme toi. Après, les gens ils sont conditionnés par les films Marvel de super-héros et donc ils pensent qu'un film de super-héros ça doit être comme un film Marvel et donc quand quelqu'un vient avec un truc différent, bah les mecs ils sont pas préparés quoi. Donc après qu'une famille en or qui aille au cinéma et qui aille voir Batman Superman, elle soit déçue, je peux comprendre, parce qu'elle s'attendait pas à voir ça. Mais après les pseudo-critiques en bois là comme Première et Compagnie, ouais, pour moi c'est de la merde, je vais plus les voir non plus quoi. Halluciné, tous ces trucs là, c'est. J'ai vu des bonnes critiques par contre sur Batman et Superman intéressantes, c'est un mec que je connaissais pas, c'est le joueur du grenier, vous connaissez? Ouais. J'ai découvert son truc. Ouais. Il y avait quand même quelques bonnes critiques quand même hein, sur Batman et Superman. C'était pas. Il y a eu au début, j'ai trouvé beaucoup de mauvaises critiques, et après petit à petit, je trouve que ça s'est un peu rééquilibré quand même. T'as quand même pas mal de monde qui ont dit que le film était pas mal. Je sais pas si vous l'avez perçu comme moi ou pas du tout. Non. J'étais tout seul. Ah ouais, d'accord. Non, mais je pense qu'au début, enfin. Ça, c'est le film s'est pris une tannée, et puis les gens s'attendaient vraiment à ce que ça soit du style de Fantastic Four, et puis en fait, c'était pas le cas du tout. Donc, les gens. Après, quand tu vas sur Rotten Tomato, que je crois il avait 37%, un truc comme ça, qu'il était, et que Iron Man 3 il avait je sais pas combien de pourcents, c'est juste hallucinant quoi. C'est juste hallucinant. Après, ça va que Zack Snyder est très clivant hein, de toute façon. Donc. Non seulement le fait que ce soit dans un ton très différent des films Marvel, mais en plus, t'as la patte Zack Snyder. Donc ça... Ah oui, il est arrivé avec son idée, hein. C'est clair que t'as pas fait un Ah oui. copier-coller des personnages. Il est arrivé avec sa vision du truc. Mais, enfin, limite, il a la moitié moins que Iron Man. Iron Man 3, c'est chaud quand même. Enfin, je sais pas les gens comment ils notent, mais. Bon, j'ai pas vu le film, mais bon, l'essentiel c'est que le film t'ait plu et puis qu'il y aurait des suites. Donc, Ouais, bien sûr. ah, le film financièrement s'en sort pas si mal, je crois. Je pense pas qu'il atteindra le milliard, mais. Ils sont à 850 millions, mais alors après, je sais pas si c'est satisfaisant ou pas satisfaisant, parce que là, c'est pareil, j'ai vu passer encore d'autres trucs, là, en faisant le conducteur, comme quoi, bon, on va en parler après, de toute façon, par rapport au film Flash, machin, on en reparlera après, quoi, qu'il y aurait des pressions, nanana. Alors après, je sais pas qu'est-ce qui est le vrai du faux, quoi, on en reparlera après, ça, de toute façon. C'est difficile de savoir sur le site parce que t'as un site qui va te dire ouais, mais le film ça, il est en faillite parce qu'il voulait 1,4 milliard, puis d'autres qui disent ouais, 600 millions, ils étaient contents, donc on sait pas vraiment. Je pense qu'à part les gars de la Warner, il n'y a pas vraiment quelqu'un qui est au courant de savoir s'ils sont contents ou pas, tu vois. Ouais, voilà, c'est ça. T'en as qui vont dire, il va sortir l'idée, tu sais pas d'où, 850 c'était pas assez, donc du coup il y a des dissensions dans le studio, nanana, et puis ils vont inventer des conneries encore. Donc c'est vrai que pour savoir la vérité, à moins qu'il y ait un truc officiel, et Enfin, même moi, je veux bien officiellement, ils qu'il le soit pas diront pas, quoi. content, qu'il soit pas content parce que le film n'a pas fait 1 milliard, mais des films qui ont fait 1 milliard, il n'y en a pas tant que ça. Donc, ça m'étonne beaucoup qu'ils aient Voilà. budgétisé sur 1 milliard, hein, de recettes. Après, il peut y avoir des pressions du fait que, il a été pas mal descendu par la critique au tout début, quoi. Sur ça peut faire des trucs, mais bon, après Ouais, ça. peut-être maintenant, comme tu Même dis, si on c'est le reparle cas, avec on ne le Flash. saura jamais, ils le diront jamais officiellement, ils vont jamais dire à Warner qu'ils sont blasés de comment s'est fait tailler le film. Même ça, ils le diront pas, quoi. Ils vont toujours voir le positif. Donc ça, c'est un truc qu'on ne saura pas vraiment. Bon, maintenant, c'est sûr qu'ils ont dû leur casser les couilles, mais je veux dire, voilà, on va faire un communiqué pour dire on a été blessés, que des gens aient descendu nos films pour rien. Ça, c'est Ouais, bien sûr. sûr qu'il n'y a pas de. Maintenant, ouais, des pressions, on a partout. Tu vois, là, c'est parce que c'est la mode, on va dire, avec DC, mais à l'époque, il y a eu plein de pressions aussi chez Marvel. Les gens, ils n'ont pas fait des articles partout, quoi. Avec quelques films, il y a des réalisateurs qui sont partis et tout. Tout le monde s'en foutait, mais là, que c'est DC, il y a un réalisateur qui se barre, on dirait que tout est annulé, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Bon, bah vas-y, continue, Bon, on Cédric. va arrêter un peu sur Batman Superman. Donc là, on a quelques annonces casting. On a J.K. Simmons qui va prendre le rôle de Jim Gordon dans le film Justice League. Alors, j'ai vu une interview de lui. Ce sera limite un caméo. Hein, on le verra à peine dans ce film-là. D'accord. Mais bon, il aura un rôle plus important dans les suites. Voilà. C'est un bon acteur. C'est Ouais, un dans le bon film choix. Batman, par exemple. Ouais. Ouais, bah, par exemple, oui, forcément. Toujours dans le film Justice League, on a Willem Dafoe qui était engagé aussi. Et pour une fois, il jouera un good guy. Willem Dafoe qu'on avait vu jouer notamment le bouffon dans Spider-Man. Ouais, comme J.K. Simmons qui jouait le patron Oui, du. j'ai J.J. Jameson. C'est ça. Donc tous les acteurs de Spider-Man se retrouvent dans la Justice League. On attend. Comment il s'appelait celui qui jouait Spider-Man? J'ai oublié son. Maguire. Tobey Maguire. J'espère qu'ils vont pas l'embaucher, lui. Y avait la rousse aussi là. Ah, elle, ils peuvent Ah, l'embaucher avec elle ça Kirsten Dunst. serait pas mal. Kristen Dunst. Ouais, Kirsten Kristen Dunst, Dunst, voilà. ouais. Ah non, Il y oui, avait la c'est vrai. tante, mais aussi. Ouais, elle s'en bat les couilles. Elle est morte, non? J'attendais celle-là, elle est morte. Il y a James Franco Ah, il y avait James Franco aussi, quand même, la quoi. classe. Sinon, Ben Affleck a été confirmé à la réalisation du film Batman. Donc, ça fait un moment qu'on entendait parler, mais ça y est, maintenant c'est sûr. Ouais, ça c'est cool. Ouais, Ouais, c'est je sais pas vraiment si cool. c'est vraiment cool, moi, mais bon. Attends, Moi, il a fait des bons films, Ben je suis Affleck. pas un grand fan de ces films, moi. T'as pas aimé Argo Non. J'ai pas aimé. Le seul que j'ai aimé, c'est le premier qu'il a fait, le Polar. Je sais plus comment il Gone Baby s'appelait. Gone? Ouais. Ouais. Mais il a écrit aussi. Enfin, d'ailleurs, je sais pas si vous êtes au courant, mais moi j'ai découvert ça il y a genre 2 semaines, j'ai halluciné. Mais c'est lui qui a écrit, enfin qui a co-écrit Will Hunting. Ah oui, c'est comme ça Ouais. qu'il a percé à Hollywood, ouais, Avec Matt Damon. avec Matt Damon, ouais. Il était génial ce film. Et enfin, du coup, je sais pas, moi je trouvais ça super. J'étais super surpris et du coup, bah, bon, j'étais confiant et puis quand j'ai vu ça, je suis d'autant plus confiant. Ouais, mais après, de toute façon, ça c'était il y a 15 ans, quoi. Entre-temps, il a fait trois films, et les trois films, moi je les ai trouvés bons. Ah oui, non, mais Ouais. tu les Non, as vus, les trois? The Town était pas mal. Argo, il était cool aussi. Argo, j'avais pas trop aimé, mais bon. Ah ouais? C'est après, enfin Batman, ça a rien à voir avec ces films-là. C'était des tout petits films hein, dont on parle là, alors que Batman, là, c'est la grosse grosse machine. C'est sûr. Mais bon, on C'est verra. sûr. Hein. Ouais. Après, si on a un film Batman avec le même style d'action qu'on a eu dans la scène de baston à la fin de BVS. Ouais, mais je pense pas que Ben Affleck fasse un film avec énormément d'action. y aura un peu de scène d'action, mais ce sera, je pense pas que ce soit. Ah, je sais pas. Je m'attends pas à un film plein d'action, quoi. Non? Je m'attends plus à un film comme BVS. Il y a pas énormément d'action dans BVS, si tu regardes bien en fait. T'as 10 minutes en plein milieu de la confrontation et t'as quoi, 20 minutes à la fin. Mais sinon, globalement, y a pas, ça se castagne pas tout le long du film en fait, sur les 2h40. Non, non, c'est sûr. Mais je veux dire, la scène d'action là, qui était limite sortie des jeux Arkham, Ah, celle-là était énorme. si les scènes d'action du film Batman sont comme celle-là. Ah, ça peut être énorme, ouais. C'est clair. Ensuite, ben, donc on a appris que la version longue donc de BVS, ça durera 3 heures. Je crois que ça sort au mois de juillet, non? C'est Quoi, pas. comment il est en train de me griller, Wally, là? Ah, c'est pour donner Oh, du rythme à l'émission, tu vois. C'est mon rôle. Ouais, je crois que ça sort fin juillet, non? Ou fin août? Non, fin juillet, je crois. Elle sort au ciné cette version ou elle sortira qu'en Blu-ray? Non, il y a eu des Bon. rumeurs comme quoi elle sortirait au cinéma, mais ça m'étonnerait. Bon, je pense que c'était encore des couilles parce qu'ils avaient sorti, soi-disant, c'était parce que le film, comme il faisait un bide, ils voulaient essayer de regagner de la thune, alors ils ont voulu faire genre, ils vont ressortir le film, comme ça les gens vont venir voir la vraie version. Mais je Ça, crois pas, vu que. c'est bizarre quand même, parce que moi, typiquement, c'est le genre d'argument qui va me faire dire, bah, du coup, la version courte, je m'en fous, j'attends la version longue, et je vais pas le voir tant que la version longue sort pas. Ouais, mais je sais même pas si c'est Warner ou si c'est encore des sites de merde qui ont dit ça, Non, quoi. c'est les sites de merde qui ont balancé ça, c'est Ah, pas la voilà, Warner. La c'est Warner, ça. eux, ils ont dit qu'il y aurait une version longue qui sortirait Voilà, direct en en direct. Blu-ray Par DVD, contre, ouais. ça, j'ai quand même trouvé con de dire, je pense que c'est le jour après la sortie du film, bah, c'est Snyder qui a balancé ça. Je vais sortir mon film en version longue 3 heures en DVD, Ça, donc pas c'est en très Blu-ray. bête, hein. C'est très Après, très ça bête. coïncide, parce que. Ouais, mais je pense que Snyder, il a eu un méchant coup de pression, il y a tout le monde qui l'a taillé, donc il a commencé un peu à Il vouloir a un tout peu paniqué, défendre. quoi. Ouais, il a un peu paniqué, et il a un peu, ouais, il a un peu dit de la merde quand même. Sinon, ouais, mais moi j'ai hâte quand même de voir cette version longue Grave. de 3 heures. Moi, je l'ai pris là en version TS de cam là sur internet, mais c'est juste dégueulasse quoi. Ouais, non, moi j'arriverai plus à Juste regarder en dégueulasse. TSK, machin là. En plus, j'ai Ah, envie de voir la version ça longue. doit faire 10 ans que j'ai pas Ouais, vu un film pareil. filmé par un gars avec son téléphone Non, dans mais la attends, salle. je vais voir le film et je me dis bon, dans 15 jours, je retourne le revoir et là, je vais sur chez moi, sur zone téléchargement et je vois qu'il est là, tu sais. Je dis y a pas moyen, faut que je le prenne. Et en fait, ouais, c'est dégueulasse parce que dès que ça commence un peu à avoir des effets spéciaux, ben tu vois plus rien quoi. Ah oui, bah Même au niveau du son, c'est dégueulasse. ouais, le son c'est pas extra, mais j'aurais pu faire abstraction, mais là c'est vraiment l'image quoi. C'est vraiment vraiment dégueulasse quoi. Donc ben, j'irai l'acheter quand il sortira. Donc je crois que c'est 27 juillet ou un truc comme ça, fin juillet. Je crois que c'est ça, un mois avant Suicide Squad, il me semble. Cool, cool. Mais Suicide Squad, c'est le 5 août. Ben voilà, ben alors c'est une semaine avant alors. Je crois que c'est ça, faudra vérifier. Ouais. Alors sinon, le réalisateur Seth Graham Smith a quitté le projet Flash. Donc officiellement, c'est à cause de di différents artistiques. Donc c'est la deuxième de suite après le départ de Michelle MacLaren du film Wonder Woman, pour les mêmes raisons. Voilà, donc Ça, c'est tout frais, hein, c'est cette semaine, je crois. Hein. ouais, c'est ça. Ouais. Ben là, pareil, il disait que, donc il y avait des pressions suite au succès critique de film de BVS, je crois. Et donc, il voulait un réalisateur, comment dire, un plus grand nom ou un mec. Un peu plus chevronné parce que celui-là, Ouais. il a fait qu'un seul film avant, qui était une énorme bouse. Il a fait quoi, lui? Il Abraham. avait fait Abraham Lincoln, chasseur de vampires. Ah Ah ouais. ouais, Mais ça, c'est juste pas possible, quoi. Moi, quand je j'avais te vu dis, le c'est nom, peut-être mieux. Voilà, moi, Abraham. c'est une très bonne nouvelle qu'il se fasse virer. Hein. J'avais vu ça, moi, Abraham Lincoln, chasseur de démons, j'avais dit, mais c'est un troll, c'est pas possible, on peut pas faire un film comme ça, quoi. Et en fait, ouais, c'est. Ouais. Dans le film, ils font des combats de chevaux, je crois. Mais Et t'es allé genre. voir ça, toi? Non, Mais non, le mais film, j'ai tenu 10 On minutes. me J'ai l'a arrêté les 10 minutes. raconté, mais genre, en fait, ils se balancent des chevaux. Ouais. Genre, littéralement. Ouais, c'est vrai que c'est peut-être plus une bonne nouvelle qu'il se fasse virer en fait, parce que c'est juste pas possible quoi. Je sais même pas d'où ils l'ont sorti ce mec là en plus. Abraham Lincoln, chasseur de machin. Oh là Un roman à la base, hein. Ils ont fait Tiré aussi. d'une histoire vraie, hein, on précise. Tiré d'histoire. Ah, c'est une série de romans, je crois, qui est aussi Orgueil et Préjugés, quoi, contre les zombies, un truc comme ça. Ouais. Ah ouais, ah, bref. Ouais, moi ça me fait pas bander, hein. J'irai jamais le voir ce film, je crois. Non, non. Bon, Ok. c'est fini pour le cinéma, on passe aux séries télé, Wally? Ouais, vous Et avez autre chose à dire sur ciné ou Vinch? ouais. Donc Dis-moi. BVS sortira le 3 août 2016 en DVD en France. Ah merde, c'est DVD le 3 août Blu-ray. en fait. Par Ah. contre, je ne sais pas si la version longue sort au même moment. Oui, normalement c'est inclus. Parce que la version Ultimate Collector, machin, sort Blu-ray 3D, Blu-ray normal, édition limitée, je sais pas quoi, mais je sais pas si c'est là-dedans qu'il y aura la version longue ou pas. Ah, il y Ah aura ouais. sûrement tout dedans, je pense. Si. Ah, c'est pas sûr, hein, et c'est pas Watchmen, par exemple, Ouais, des fois c'est bien après. T'es sorti 6 mois après ou un an après, même, je crois. Hein. Ouais, mais Watchmen n'avait pas eu autant d'écho, enfin, Ah, quand même. Ouais, non, quand même pas, non. C'est Watchmen, c'est pas Batman Superman. Moi, je pense qu'ils vont tous tomber d'un coup dans le Blu-ray DVD. Ouais. On verra, j'espère. Hein. Mais Maintenant, ça ça, c'est m'étonnerait pas Amazon. qu'ils te sortent une autre version dans 6 mois pour te la vendre. Pour te la vendre deux fois, Ouais. quoi. Ils avaient fait ça avec Days of Future Past. Ils avaient sorti d'abord une version Ouais. ciné. Et 6 mois après, la version Rogue. Ouais. Ouais. Ah bah alors, on verra. Et d'après MCM, ce sortira le 16 juillet. Mais je sais pas c'est quoi la version officielle. Amazon me dit le 3 août et MCM me dit le 16 juillet. Je ne sais pas. D'accord. Amazon ou Amazon? Comment ça se passe en Belgique Amazon. là? Amazon. Amazon? Moi je dis Amazon. Amazon. Parce qu'il n'y a pas de N, donc Amazon, tu veux. Et toi, à chaque fois, en fait, il y a le mot et tu tapes à côté, quoi, tout le temps. Même quand c'est pas compliqué. Amazon, Ouais. bordel. Amazon, ouais, c'est Amazon. Putain. Amazon. Bon, Fabien, hein, si tu veux remplacer Vince, t'es le bienvenu. Et non, après, genre, enfin, juste pour revenir. Michelle McLaren, elle avait fait plusieurs épisodes de Game of Thrones. Ouais, exact. Et bon, Elle après. voulait pas partir dans un délire chelou, elle voulait pas mettre Wonder Woman, elle était avec un ours ou un tigre qui la Un protégeait ou tigre, quoi, mais la drogue, ouais. un tigre, mais apparemment, c'est encore d'actualité d'après ce que j'avais. Un tigre, ouais, ok. Ouais. Ouais, c'est J'avais. Golden Age. Je crois qu'elle avait un tigre avant. Enfin, Bah je oui. dis Ouais. ça, mais autant. Ah, elle avait un tigre avant, hein. Eh oui. Ouais, c'est un tigre avec elle. Ah Ah ouais, ouais? Jean, vous lisez ça, vous? Vous l'avez lu? Attends, tout lu, moi, monsieur. D'accord. Ouais. Et toi, Vinci? Bah ouais, j'ai de la culture, monsieur. Ah ouais, putain. Mais c'est sûr, les mecs qui sont sur Wikipédia, là, en train de me parler. Et ils viennent me dire, je sais pas quoi, là. Bon. Tu t'es pas acheté l'intégrale de Wonder Woman? Au Non, moins, c'est pas encore. dedans. Putain, là, je rattrape grave de retard, en fait. Je me suis Il a dit. même pas encore lu l'anthologie Flash. Attends, mais là je l'ai attaqué, ça y est. Mais je vais mettre 6 mois pour la lire. C'est une épreuve de la vie, tu sais. Chaque épisode, c'est sympa, c'est marrant, mais. T'as C'est commencé costaud quand même. l'anthologie Flash ou le Flash la légende? Non, non, l'anthologie, je l'ai pas ouverte. Là, j'ai commencé Flash la légende. Ah. Je suis à l'épisode. Tu l'as lu, Vinch? Ouais. Je suis à l'épisode où il y a une boîte qui apparaît en ville. Et Ou donc, la quoi? boîte. Il y a Ah un ouais, la immeuble, boîte, ouais, la la boîte. boîte. Mais c'est nul. Ouais, Tu l'as c'est lu, nul à c'était. chier. Ouais, cet Ouais. épisode était trop nul avec les mecs, C'est nul. les jumeaux, je sais pas quoi, là, ou les Ah triplés. ouais. On en parlera après, mais c'est. Ouais, c'est à l'ancienne, quoi. Donc, j'ai lu ça, voilà, doucement, quoi. Bah, après, je parlerai, là, j'ai rattrapé mon retard, là. Sur plein de trucs. Bon, on va passer aux news séries télé. Donc, pour les reviews séries télé, donc, sur le blog, il y a un nouveau membre qui s'en occupe. Donc, on n'en parle plus ici. Mais on parle quand même un peu des news séries télé. Alors, donc, sur Arrow, donc, on a Curtis Holt, qui va devenir régulier dans la saison 5 de Arrow. C'est pas celui qui jouait. C'est pas le Black, ça, qui jouait. Comment. Putain. Vas-y. C'est l'assistante de. Bah, J'allais dire Curtis Holt. l'assistante Mister de Gwyneth Terrifique, non? Paltrow, mais. Ouais, c'est ça, mais c'est dans le. En fait, c'est dans la news. Je sais pas si tu l'as bien visualisé, mais. Dans le quoi? C'est dans la news, c'est Curtis Holt qui sera Ah Mister ouais, Terrific. c'est marqué en dessous. Ouais. GG, j'avais pas fait gaffe. Voilà, et donc il sera donc dans la saison 5 de Arrow. Legends of Tomorrow, donc on a Keto Shimizu et Grémy Godfrey, donc c'est des scénaristes. Donc ils vont s'occuper de la saison 2 de Legends of Tomorrow, et donc ils bossaient sur Flash et Arrow apparemment. Donc c'est pas des vedettes quoi, hein. Ils vont pas casser des briques. C'est Il va pas une casser des trame de briques. stars, quoi. T'imagines s'ils vont chercher les mecs de Arrow et de Flash pour rebooster la série. Imagine les scénaristes qui bossaient sur la série actuelle, quoi. Ouais, mais laisse tomber, malheur. Ensuite, on a Patrick Adams. Donc, je lis hein, parce que je l'ai vu vite fait tout à l'heure. Donc, Patrick Adams débarque à la fin de la saison 1 et donc il va s'occuper de la saison 2. De lancer la saison 2, ouais. Voilà, et donc on sait pas encore qui c'est qui va interpréter. Et donc, il y a des rumeurs qui parlent d'un certain Booster Gold. Donc voilà, Legend of Tomorrow. Je suis toujours bloqué à l'épisode 1. Je pense que je verrai jamais l'épisode 2. Moi, je Donc, suis toujours à l'épisode 2. d'accord. Et Supergirl, t'as fini le pilote ou pas encore? Ouais, ça, j'avais fini le pilote, mais j'ai jamais regardé l'épisode 2. Un jour, peut-être, tu vois. D'accord. J'y compte, un jour, je vais regarder, mais je sais pas, genre en été, quand j'aurai vraiment rien à faire. Gotham, en fait, tu t'es troué parce que les deux news que t'as mis, on les a déjà mis il y a 8 mois, je crois. Gotham, il n'y avait rien à faire. Il n'y a pas Donc, de news, en fait, quoi. voilà, on va pas en parler. Donc, bah, allez, quand même, vite fait, au cas Tu où il mets y a des des gens qui pièges s'en dans le rappellent conducteur, pas. Vinch. Je sais pas, je connais rien, moi, donc je me C'est fais pour avoir voir à chaque si fois. Wally était attentif. Effectivement, il ne Ouais, l'est je pas. suis trop la vie des séries. Donc, BD Wong, il va jouer Hugo Strange. On en avait Je parlé peux en août 2013. Vous regarderez le podcast de l'époque. Et donc, Tommy Flanagan, il va jouer dans Gotham. Et jouer le dire. dans Il Son of joue déjà dans Anarchy. son. Ils jouent déjà tous dans Gotham en fait. Il y en a même certains qui sont déjà morts et tout, tu vois. Ah ouais, d'accord. Donc bah voilà, peut-être vous l'avez vu passer, il jouait dans Son of Anarchy, c'était le mec irlandais là qui avait des entailles sur la gueule, un brun. Vous avez Ah, suivi Son of Anarchy ou pas? non, bien j'ai sûr. jamais regardé. Cédric, toi tu connais? Ouais, bien sûr. Tu vois Il qui c'est était lui? super dans Son of Anarchy. Bah oui, Ah ouais, il jouait mais bien lui. l'Irlandais avec les cicatrices autour. C'est Je ça. sais pas si c'est des vraies cicatrices ou si c'était juste dans la série qu'il avait ça, mais. Peut-être qu'ils l'ont scarifié pour que ça se fasse plus vrai. Ah ouais, il C'est a pas raison. Peut-être dit qu'il rêve peut-être. de jouer le Joker. Ah, peut-être aussi. Ouais. Je crois qu'ils ont prévu. Ils ont annoncé le pingouin aussi dans Gotham. Sérieux? Ouais. Ensuite, on va passer donc à Supergirl. Donc il y a donc le super producteur donc Andrew Kreisberg qui dit que Supergirl sur Terre 1 c'est possible parce qu'on l'a vu sur Terre 2. Donc vu qu'on l'a vu sur Terre 2, ce serait possible Terre sur 3. Terre 1. C'est super. Ça c'est de la news. On te remercie Vinch. Ce sera peut-être dans la saison 3 de Flash. T'as vu ça sur Closer ou t'es allé sur quel site? C'était sur Closer. Et enfin, la Hey, dernière news. mais la dernière news, elle est vieille aussi, celle-là. Oui, c'est trouillé en fait, le mec il a copié. En fait, t'as rien branlé en fait. En fait, c'est que des vieilleries que tu m'as sorti parce que ça a été officialisé, le pilote de Krypton aussi. Ouais, Ouais, mais c'était ça a été officialisé, mais il y officialisé, a. c'est possible. On en avait pu parler, maintenant la news elle est sortie la semaine passée. Je pense que tous les sites s'emballent parce qu'ils disent que c'est imminent, c'est bientôt et tout. Même sur Facebook, je pense que les vieux branlots de la Comic Con ils ont mis un truc. Vous êtes contents, bientôt voir Krypton sur Syfy en France. Oui, mais là tu dis que ça pourrait bientôt avoir droit, mais en fait ça a été officialisé qu'il y aura son pilote. Ouais, C'est mais officiel. bientôt. Ouais, bientôt il va sortir, quoi, si tu préfères. Ah ouais, Bah, même en d'accord. français, Ouais. t'y arrives pas, Vinch. Mais grave, en plus il se fout de ma gueule. Il a repris un vieux conducteur et il essaie de me faire croire qu'en fait ce qu'il a voulu écrire, c'est pas en fait ce qu'on a voulu comprendre. Tu vois le délire? Ben non, il pourra Ah. bientôt avoir droit à son pilote parce que c'est pas encore sûr. Hein. Ils vont sûrement sortir le pilote, mais Non, vu le mais truc. si c'est officialisé, c'est qu'ils vont le faire. Tu m'embrouilles pas, hein. C'est oui, c'est non. Hein. Hein? Titan, Après, c'était c'est pas. officialisé aussi à l'époque, tu vois, pour finir, c'est mort, quoi. Ils en parlent Ouais. plus. Ou C'est comme enterré, c'est Wonder fini. Woman aussi, ils vont peut-être faire le pilote, mais il sera peut-être jamais diffusé. Voilà, tu vois. Ou Aquaman. Ah là là, si vous voulez postuler, il y Aussi, a ouais. peut-être un podcasteur qui va être licencié après l'émission. Putain, attends, ça va, tu fais rien, tu fais des news séries EVO et elles puent, en plus c'est news. Non, c'est même pas moi ça. C'était Ah soit. putain. Non, non, Wally, il fait vraiment rien. Non, mais moi, Ah ouais, en t'étais fait, un tu fais rien du malade. tout, toi. Moi, je fais les news comics VO. Je m'occupe de faire le schéma du bordel. Et en plus, moi, je travaille, mon pote. Et là, c'est chaud en ce moment. Bon travail. Et Ouais, pour mais. Supergirl, ils ont annoncé une saison 2 ou parce Ouais, que. il y a 8 mois, ouais. Ouais, c'est sûr, hein. Saison Ah, 2 de je crois que Supergirl. tout de suite, hein, je crois que tout de suite, ils l'ont signé la saison 2. Ah ouais? Ouais, ça marche pas mal. Ah, ça Attends. a cartonné, hein. J'irai pas si loin, mais ça marche pas mal, je crois. Oh, enfin, en tout cas, le pilote avait cartonné. Ouais, le pilote, ouais. Le pilote, c'était la folie. 12 millions, je crois. Alors, on va passer à la partie de Vinch. Donc là, je crois qu'il a pas. Il a pas récupéré des vieux trucs. Je crois que c'est assez récent. Donc, Vinch, c'est à Ouais. toi. Alors, on va faire un truc intéressant. Ouais, Donc, super. On va parler de report. On va pouvoir faire des grands débats. Vas-y. voilà. Donc, on va pouvoir débattre sur les reports que Urban a fait pour le dernier semestre. Donc, ils avaient annoncé plein de comics, mais apparemment, ils n'arriveront pas à tenir les délais. Donc, on a pas mal de reports. Donc, Crisis on Infinite Earths, Les Compagnons, avec Yo. l'accent est reporté au 1er juillet, alors qu'il devait sortir le mois prochain, je crois, en juin. Donc, la grosse Crisis, elle sort le 8 du 7, donc Infinite Earths aussi. Ensuite, on a Batman Ma Dark vie, Knight 3, tome 2, qui ressort ma le vie passe 2. au mot. Ça, c'est Vinge, quoi. Donc, Batman Dark Knight 3 qui sort le 2 septembre, mais ça, c'est sûrement à cause des reports US, vu qu'il Bah, c'est y a sûr, plus en plus de reports. l'issue 4 est sortie cette semaine. Donc, Ouais, donc, je suppose que ça, c'est dû aux US. Ensuite, on a la Justice League internationale. Tome 1 qui est reporté aussi au 2 septembre. On a Checkmate qui est reporté au 30 septembre. Et les Gardiens de Terre 4 qui, eux, sont reportés en décembre, mais on ne sait pas encore quel jour précisément. Donc, c'était Ah le ouais, planning qu'on avait annoncé le mois passé, en fait. c'est de sacrés reports quand même. Hein. Ouais, il y a pas mal de reports. Je sais pas, sûrement, il y a peut-être des trucs US et des autres. Bah, je sais pas, ils ont peut-être pas assez. Puis ils se sont rendus compte peut-être aussi que les gens n'achetaient pas de livres en juillet-août, quoi. C'était mieux de les Je sais sortir en pas. septembre. Ben, il y a deux gros bouquins qui sortent en. Il y a pas mal de bouquins qui sortent en juillet et août encore. Hein. Ah moi, je vais me faire péter les deux crises machin là. Je vais mettre du temps à les lire, mais je vais les acheter direct, je pense. Ouais, par contre, Checkmate et les Gardiens, peut-être qu'il y avait tellement de grosses sorties en juillet août qu'ils se sont peut-être dit que, vu la popularité du titre, peut-être que ça ne se vendrait pas des masses Ouais, c'est possible. C'est Et pour ça. Justice League International, ouais, c'est peut-être pas plus mal que ça sorte en septembre aussi, avec un peu plus de visibilité, parce que la série est vraiment bien. Ouais, ça, c'est à mon avis, j'espère qu'elle va bien se vendre, parce qu'il paraît que c'est génial, mais c'est Ah, c'est fort. génial, je confirme, c'est vraiment génial. C'est fort ancien aussi, mais je Ouais, pense que ça le mérite aussi. j'ai Ça, j'achèterai directement. toujours pas lu le Justice League hors série là, avec ça, là. Il y avait Justice League International dedans. J'ai Ouais, toujours mais pas lu. c'est plus récent. Ouais, C'était ça, la c'est la suite. fin. En fait, leur série, c'est la suite de cette série-là, quoi. C'est D'accord, ça. ok, d'accord. D'ailleurs, il y a bientôt Justice League Universe 2 ou 3, je pense, qui sera la suite de ce kiosque-là, en plus. D'accord. Ensuite, on va passer aux sorties du mois de mai. Donc, on Donc, a. comme l'autre fois, les plus attendus par toi uniquement ou par tout le monde? Non, c'est les sorties du mois de mai. C'est pas que j'attends spécialement, c'est des D'accord, sorties qui méritent. t'as appris tes erreurs, quoi. Là, tu Voilà, dis ce que t'aimes, tu j'ai dis juste juste ce qui omis sort. certains trucs, genre Super Woman. C'est tellement de la merde que ça, je le mentionne même pas, tu vois. D'accord. Alors, on a Batman Robin Eternal, tome 1. Ça. Ça par contre, tu le mentionnes. Ouais, parce que j'ai pas lu, je sais pas ce que ça vaut. Il Ah, paraît que maintenant il c'est mentionne nul. tout. Parce que l'autre fois, C'est nul. c'était normalement la rubrique, elle s'appelle Les sorties incontournables de Vinch. Et le mois dernier, il s'est fait défoncer par tout le monde qui lui a dit Non, ça parce c'est nul, que. ça Mais c'est nul, ça c'est pour moi, nul. c'est incontournable, David, quoi, tu vois. Donc Pour moi, ça fait rien. maintenant Bon. la rubrique Les incontournables s'est transformée en Les sorties de mai, tout simplement. Je me mouille pas. Selon Vinch, tu vois. Les trucs que vous devez quand même lire. Parce que, ouais, ça peut être bien. Je salue Urban qui sort cette série si rapidement après les US. Et je ne sais pas ce que ça vaut. Ça, on verra quand je ferai la rubrique. Ça c'est vrai que pour les gens qui suivent cette série, c'est une bonne nouvelle. Non, ça peut être bien. Regarde, de ceux qui l'ont acheté en VO, ils ne savaient pas non plus que c'était de la merde au début. Ah, Peut-être genre qu'ils moi. aimeront bien, hein, je sais pas. Parce qu'il faut savoir aussi, regarde, j'avais lu Batman Eternal en VO. J'avais trouvé ça à chier. Je l'ai lu en VO, j'avais trouvé ça beaucoup mieux. Sauf le dernier tome qui m'a vraiment troué le cul. D'accord. Ensuite, on a R2 tome 5. R2. Ouais, R2 tome 5. Et c'est Alors, on heureusement a que c'est pas enfin D2, World hein, Ends. que R2D2. On a enfin la. Ben, c'est la conclusion de la série, je crois. Ma vie, Avant. ma grand-mère, mes emmerdes. Ouais, vas-y, continue. Ouais, c'est la conclusion de la série avec la fin de World Ends et de R2. Et après, on passera directement avec le tome 6 avec Convergence. l'event préféré de Wally, Ouais, convergence. Convergence. Ensuite, on a Grayson tome 2, Batman tome 8 avec Batchappie. Ouais. On a Catwoman Eternal tome 2. Ça continue avec Catwoman qui dirige la pègre de Gotham. On a enfin la fin de Ah, Batman. ça j'attends Ça, avec c'est la impatience. conclusion. Ouais, J'écoute ça. j'ai hâte de lire enfin la fin Pareil. de cette série qu'ils ont chou qu'ils ont mis longtemps à la sortir d'ailleurs. Ouais, mais ça doit tellement pas se vendre ça aussi. Bah ouais, je pense qu'au début ils y croyaient, mais ça n'a pas dû se vendre des masses. Et ensuite, nous avons Batman, la malédiction qui s'abattit sur Gotham, dont le titre anglais est, attention, Oh putain. The That Comes to Gotham. The quoi? The Doom. Ouais, The Doom Task Cab comme ton Gotham. J'ai toujours pas compris. Oh là là On va rester là sur la malédiction qui là. s'est bâtie sur Gotham. Et donc, ça, je connais, ça a l'air bien. C'est Gotham dans les années Ah, mais 1920. c'est Mac Mignola, c'est le. Ouais, d'accord. Alors c'est très bien ça. Il paraît, tout le monde dit que c'est super bien. Donc, je dis que ça pouvait être intéressant. C'est un Deluxe qui fait 192 pages pour 17 euros. Donc, En ça reste français, accessible. convertis les pages en français, ça fait combien en pages françaises? Ouais, 192. D'accord. Ok. Putain. T'as autre chose à rajouter, Vince? Ou on passe à. On peut passer au News Comics Néo. Un truc à dire, Fabien, sur ça là? Il y a des trucs que tu vas Bah, acheter ou. Grayson, ouais, Grayson, je vais prendre parce que j'avais pris le premier tome et j'avais bien aimé. C'est mieux, ça devient mieux au deuxième. Et j'aime. Enfin, depuis tout le temps, j'aime bien le personnage de Dick Grayson. Donc. On va dire que Grayson est bien meilleur que Nightwing. Enfin, au niveau des titres, hein, je parle. D'accord. Ah, je suis bien d'accord. Donc tu vas prendre celui-là. Ouais, je vais le prendre. Ok. Alors donc on va passer au News Comics VO. Donc on a appris donc Grant Morrison il comptait faire encore deux autres tomes de Wonder Woman Earth One. Et donc Yannick Paquette devrait le suivre au dessin. Donc on n'en a pas parlé de ce. Il y a personne qui l'a lu celui-là. Tu l'as pas lu, Si, Cédric? si, moi je l'ai lu, ouais, je l'ai lu hier. Ah d'accord. Donc tu vas pouvoir Je nous en parler. pensais en parler dans mon WhatsApp à la fin. Ouais, mais tu veux même parler en VO, dans les comics Ouais, VO, bah la je VO, comprends allez. partir dans les comics vidéo. Ouais. Ça marche. Ensuite, donc sur Rebirth, on a eu des informations. Donc apparemment, donc tous les titres devraient aboutir à une histoire a une histoire bien plus large. Donc apparemment, Geoff Johns, il chapeaute tout ça, il a eu des entrevues avec les scénaristes. Et donc, putain, ouais, j'ai fait un conducteur, mais je l'ai même pas lu en vrai. C'est vraiment une baltringue, en fait. Non, mais, hey, j'ai dû réécrire tout ce que tu m'as mis parce que c'était dans un état. Ah, mais t'aurais pas dû, parce que là, je suis perdu, mon ami. Putain, en tout cas, donc, si quelqu'un avait une place dans le podcast, il y a un mec qui va dégager ici. Hein. On va fermer les portes, on va tout arrêter. Donc voilà, donc, ce sera une histoire, donc, une histoire plus large sur 2 ans. Et donc, ça devrait débuter vers août 2018 entre les deux films Justice League. La vraie news, je trouve, c'est qu'il annonce plus ou moins une prochaine crisis, qui est assez étonnant parce qu'on n'a toujours pas eu Rebirth, qu'on nous annonce déjà une crisis dans 2 ans. En fait, là, je pense qu'ils sont en train de se dire, les gens, c'est des Mongols, ils achètent que des numéros 1, donc on va faire comme Marvel, on va faire des numéros 1 tous les 2 ans. Ils ont appris de Marvel, ils se sont dit, on va faire du teasing avant que le teasing commence. Donc c'est le All New Rebirth annoncé avant Rebirth, quoi. Je pense que c'est ça, maintenant, tous les 2 ans, on va avoir droit à un nouveau numéro 1. Moi, je pense que le mieux, c'est que dans 2 ans, ils tuent tous les personnages et ils recommencent à zéro. Ouais, ils pourraient faire ça aussi. Ouais. Donc ouais, c'est cool, c'est plutôt cool. Après, si ça peut être bien interconnecté, qu'il y ait une meilleure cohérence que dans les New 52, ça pourrait être une bonne chose, ça, par contre. Bah, ouais. Moi, ce qui me plaît dans cette news, c'est le fait que Geoff Johns a l'air de vouloir tout chapeauter. Il n'a pas de série en ce moment, en tout cas rien d'annoncé sur Rebirth, et il a l'air de vouloir chapeauter l'ensemble. Donc c'est plutôt... Ouais. Bah après, espérons que les éditeurs ils fassent leur boulot aussi, ces enculés, parce qu'ils l'ont pas trop fait pendant les New 52, donc il y avait pas mal d'incohérences. Le problème, c'est qu'ils ont laissé beaucoup de pouvoir à des mecs comme Snyder qui s'en foutent, contrefoutaient de ce qui se passait ailleurs. Donc là, au moins, on va retrouver un univers DC cohérent, ce qu'on aime quoi, chez DC. Hein. Ouais, ça pourrait être nickel. Ensuite, on nous apprend le retour des DC Challenge. Donc je connaissais pas, hein, c'est un truc, j'étais pas né. Donc c'était dans les années 80, donc ils filaient un titre en 12 épisodes à 12 équipes créatives différentes, et le challenge c'était que chaque équipe créative donc faisait son épisode avec un cliffhanger à la fin, et une autre équipe devait arriver et donc comment dire, et prendre la suite et ainsi de suite, comme ça pendant 12 numéros. Donc là, la série qui va bénéficier de ce truc, ce sera donc Kamendi Challenge, tout simplement. On appelle ça un cadavre exquis en français. C'est vrai? Ouais. Et ça sort d'où? Bah, c'est assez connu dans la littérature aussi, où certains auteurs ont fait ça. Moi, s'il n'y a pas d'image, je lis pas. Ouais. Donc, il y aura donc 13 équipes créatives différentes, 13 épisodes, 12 épisodes, je crois, mais pour 13 équipes créatives. Alors, donc, on nous annonce, vous voulez la liste? Je pense que vous la voulez. Dan Abnett et Dale Eaglesham. Ensuite, Tomasi et Neil Adams. Amanda Conner et Jimmy Palmiotti. James Tynion IV et Carlos Danda. Donc, à chaque fois, quand je dis « et », c'est le nom de la team. Hein. Ensuite, Bill Willingham et Ivan Reis. Steve Orlando et Philip Tan. Ensuite, Marguerite Bennett et Dan Jurgens. Keith Giffen et Steve Rude, en mode Vinch. Tom King et Kevin Eastman. Greg Pak et Joe Prado. Rob Williams et Walter Simonson. Gail Simon et Ryan Sook. Et enfin, Lane Wayne et José Luis Garcia Lopez. Donc, c'est des gros noms quand même dans l'ensemble. Ah ouais, carrément. Ouais, pourquoi pas. Après, c'est sur Kamandi, alors pour le coup, est-ce que ça va intéresser beaucoup de gens? Kamandi, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Ah, bah après, ça peut être, voir si ça fonctionne bien, le refaire sur d'autres titres, ça pourrait être pas mal. C'est intéressant comme idée. Ça fera un joli hardcover quand ce sera fini, en tout cas. Bon, sinon, apparemment, ça vous intéresse pas, quoi. Vince, tu t'en bats les oreilles, non? Carrément, quoi. Ouais, Fabien? Moi, je sais pas. Enfin, ça me fait un peu peur en fait que les auteurs vont écrire à la suite d'un numéro en ne sachant pas ce qu'en fait les autres avant, enfin. Bah si ils vont le savoir, je pense, ils vont leur filer le l'épisode et à eux de relever le défi. Je pense que ça sortira pas en mensuel, ça, hein. Ça sortira d'un coup, tu crois? Non, justement, je pense qu'il faudra attendre 2-3 mois entre chaque numéro, parce que justement, il faudra que l'équipe prenne connaissance de ce qui se passe dans le numéro d'avant. Quoi. Ouais, ça peut être fou, ça peut être marrant quand même. Ouais. S'il y en a qui se lâchent, ça peut être cool. Et ensuite, une nouvelle gamme, Young Animal, donc, qui sera chapeautée cette fois-ci par Gérard Way, donc, qui était ancien scénariste sur Umbrella Academy, qui a reçu un Eisner Award, et l'ancien chanteur de My Chemical Romance. C'est ton genre de musique, ça, non, Cédric? Ah non, ça non. Ah, c'est un truc pour ados, ça. Ah sérieux, je crois que c'était un truc hard, moi. Ah non, c'est ouais, pas... c'est du hard pour ados. Ouais. D'accord, c'est genre One Direction? Non, ah non, non, comme. Non, pas. C'est plus en mode. Le groupe de Jared Leto, comment il s'appelle? 30 secondes to Mars. Voilà, c'est ça, c'est dans ce style-là. Ouais, donc c'est pas terrible. Ah, moi, enfin, c'est pas mon truc, quoi, mais. D'accord. Et ah, temps... My Chemical Romance, c'est quand même moins bon que 30 secondes to Mars. Ouais, c'est pas Nirvana, quoi. Ah non. Ok. Enfin, je balance le seul nom de groupe de rock que je connais, en fait, c'est pour ça. Donc, et en tant que scénariste, il était bon. Vous avez lu Umbrella Academy? Non, j'ai pas lu. Non. Je sais qu'il est très pote avec, avec Grant Grant Morrison. Morrison, c'est ça, ouais. Ça, c'est les cachetons et la drogue. Ouais. Ils doivent avoir ça en commun, je pense. C'est Il y en ça, a ils qui ont le doit même dealer pour dealer. l'autre, ouais. Ça doit être ça. Donc, les quatre titres, donc, comme j'ai dit, qui seront donc chapeautés par Gérard Way. Donc, le premier, Retour de Doom Patrol. Donc par ce mec-là et Dick Derrington. Donc en info, on a en gros que ce sera un hommage au run de Grant Morrison. Donc pourquoi pas, j'ai jamais lu la Doom Patrol mais il paraît que c'est génial. Ouais, c'est très bien. C'est un peu les ancêtres des X-Men en fait, non? Se sont basés sur eux pour lancer les X-Men, non Marvel? Ah oui, d'accord, oui, mais pas ceux de Grant Morrison, pour le coup. Non, parce que là, c'est vrai que la Doom Patrol date des années 50, mais Grant Ouais. Morrison, il a écrit ça dans les années Oui, c'est 80. plus récent, ouais. Et lui, son run, il est bon alors parce que je l'ai pas lu. Ouais, excellent, vraiment excellent. Il est réédité d'ailleurs par DC là, en ce moment. D'accord, peut-être qu'on l'aura chez Urban, un de ces quatre. Ouais, c'est probable. Ensuite, on a. Alors, les noms, ils se sont pas gavés sur les noms quand même, hein. Ça fait pas bander. Donc, en octobre, on a Shade the Changing Girl. Donc, par Cécile Castellucci et Marley Zarkon. Voilà, donc le pitch aussi, les délires. Donc, c'est une femme alien qui se cache dans le corps d'une adolescente. Et voilà, et la folie va s'emparer d'elle. Alors, Shade, c'était une série assez mythique du début de Vertigo. Hein. Je l'ai jamais lu, mais ça s'appelait Shade Changing Man à l'époque. Ah, ils sont malins alors, ils ont changé le délire, d'accord. Mais bon, moi le pitch, enfin moi je connais pas, hein, je veux pas critiquer ni rien, peut-être que c'est génial, mais. Moi, alors, je l'ai pas lu, mais ça a très bonne presse. Hein. Ça a très bonne presse, d'accord. Ouais. Okay. Ah, je ferme ma gueule alors, ok. Donc ça peut être intéressant, effectivement. Donc l'autre titre pour octobre, donc là c'est pareil, GG, le nom du truc. Cave Carson has a cybernetic eye. Donc ouais, et le pitch c'est qu'on va savoir pourquoi il a un œil cybernétique. Alors là, j'ai envie de dire la drogue quoi. Parce Ouais, que. ça j'ai jamais entendu parler par contre. C'est possible que ce soit aussi quelque chose de connu dans l'univers Vertigo, mais moi je ne connais pas. Ça, je pense qu'il faut le lire en étant plein ou en ayant pris quelque chose. Parce que entre le titre et le pitch, c'est quand même bien, bien perché. Et ensuite, le quatrième, c'est Mother Panic en novembre, par Jody Hauser, avec Tommy Lee Edwards et John Paul Leon au dessin. Et donc là, c'est un peu plus classique, donc ce sera Gotham City et il y aura une toute nouvelle justicière. Et après, on apprend en marge de ça que les titres ils pourraient se dérouler dans le DCU ou bien à côté, quoi. Bon, moi, En dans. fait, on sait pas quoi. Ouais, on sait. On sait Si ça pas. marche, on les intégrera. Si ça marche C'est pas, ça. Voilà, bon, moi, il faudrait que je m'ouvre et que je teste. Mais là, sur le papier, hormis Doom Patrol par rapport à la Renault Mexa, le reste, il n'y a rien qui me. Il n'y a rien qui me fait rêver, quoi. Vinch? ouais, non, ouais, non, pas trop. Franchement, y a rien qui me va introduire. Moi, la Doom Patrol, ça peut être bien, mais sinon, à part ça. Ah, pour Je le ne suis coup, pas enthousiasmé. moi je vais tenter les quatre. Ça Ouais, mais me. toi t'es plein, toi t'es blindé à chaque fois, t'achètes tout. Ouais. Non, mais c'est. Je suis un peu en manque de Vertigo. Ce que sort Vertigo en ce moment, c'est tout pourri. Donc là, j'ai l'impression que ça reprend en tout cas, la volonté de reprendre ce que Vertigo était dans les années 80-90. J'ai l'impression que c'est un peu le nouvel imprint qui va remplacer Vertigo. Donc je vais tester. D'accord, Fabien? Non. Ouais, sinon non. Non. Non. Enfin, non, là, dans les annonces de Young Animal, non, ça me tente pas. Pas plus que ça. Pas plus que ça, on va dire. Ok, d'accord. On va rebasculer donc sur Vinch avec les reviews VF et avec Infinite Crisis tome 5 que j'ai Ouais. eu le temps de lire, mais c'est toi qui vas en parler. T'as eu le temps de le dire? J'ai eu le temps de le finir, mon pote. Ouais. Et ça m'a pas troué le cul en fait. Ouais, ben franchement, moi non plus. Je sais pas, tout le monde en parlait comme le Grave. l'event de dingue, tu vois. Grave. Alors, depuis le numéro 1, je suis comme un fou à me dire ça va être bien, ça va être bien. Mais Mais Infinite là, Crisis, il fait 150 pages. Comment ça se fait qu'il y a 5 tomes qui sortent? parce qu'ils ont Parce sorti que. tout, tu vois. Ça, c'est super. C'est vrai que D'accord. Urban, c'est bien ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont sorti tout. Tout, tout, tout. Maintenant, comme ça, t'es sûr que si t'es un néophyte qui dit je vais commencer par ça, ben, tu peux comprendre l'histoire. Mais ils ont tellement mis de trucs, c'est tellement devenu un truc énorme et pas du tout épuré. Et en fait, t'as la plaie le cul quand t'arrives à la fin. Ouais, t'es au bout T'es de un ta peu vie, blasé, quoi. tu te T'es dis au putain, je bout me de suis ta tapé vie, 5 volumes de, je sais pas moi, 300 pages pour ça Grave. quoi, tu vois. En fait, ils auraient dû faire le tome 1 et le tome 5. Après la guerre dans l'espace entre Ran et Thanagar, super. Susu. Ouais, maintenant c'est pour tout expliquer parce que c'est vrai que quand tu lis le truc, tu fais ah, ok, voilà pourquoi ils se sont cassés les couilles Ouais, avec ça, avec ça. mais Parce que tout s'emboîte quoi. vu que c'est résolu en 5 minutes, tu te dis Aussi. susu quoi. Tu t'es tapé 300 pages, voilà. Après la guerre des magiciens, susu aussi quoi. Ouais, mais c'était pour bien Voilà. comprendre le contexte géopolitique de l'event. Super. À la fin, c'est résolu en deux coups de mandale. Donc du coup, vas-y, je te laisse continuer. Non, franchement, c'est bien et tout. Je suis content de l'avoir lu. Maintenant, on va dire, ouais, ça casse pas trois pattes à un canard. Et c'est vraiment. En fait, quand tout le monde. Enfin, toujours beaucoup de gens qui disaient, ouais, maintenant les events de DC, c'est de la merde qu'auparavant. Avant, c'était vraiment bien. Bon, en fait, quand je lis ça, je me dis Forever Evil et tout, c'était pas non plus. C'est pas très loin l'un de l'autre, quoi. C'est bien et tout, mais ouais, voilà, c'est tout ça pour ça, quoi. Là, disons que là c'est plus riche cet event parce qu'il y a donc plein de petites mini-séries. Il y a eu la mini-série Vilain United, il y a eu la. Celle-là je l'ai même pas lu carrément, ça m'a saoulé. Il y a donc dans l'espace, il y a les magiciens, donc c'est super riche. Mais bon, après, c'est vrai que la conclusion, vu comme elle est faite, ça sert à rien de. Autant faire un truc plus compressé comme Forever Evil, quoi. Et avec Moi, c'est 8 passé. numéros, je crois, voilà, pareil, c'était vite bouclé à la fin, mais au moins t'es épargné parce que là en plus, ils ont mis des épisodes de Superman dans le truc qui servent à rien, où il a des sortes d'hallucinations ou je sais pas quoi, ça apporte rien. Ils auraient peut-être dû sortir l'event tel quel et puis mettre les autres séries en compagnon. Bon, après, ce serait peut-être moins vendu aussi. Mais Alors, complètement, complètement. Moi j'aurais aimé, je te dis, acheter le 1 et le 5. Hein. T'as un Ouais. agar machin, j'ai arrêté en cours. Vilain United, j'ai même pas lu, j'ai lu 3 pages, ça m'a saoulé, j'ai laissé tomber. Il aurait dû peut-être plus sortir les tie-ins de Blackest Night. Ça, cet event-là, pour moi, il était parfait, quoi. Ouais, non, c'était bien et tout, enfin, j'ai bien aimé, mais ça ne m'a pas emballé plus que ça, et quand je suis arrivé à la fin, je me suis dit, waouh, Ça s'est fait. ben, c'est tout, quoi. Ouais, voilà, ça Ouais. s'est fait, je l'ai lu vraiment en entier de long en large, parce que j'ai vraiment tout lu, moi, tu vois. Je sais pas si t'avais lu tous les 5 tomes, toi. Ah, moi je te dis, il y a des moments où j'ai craqué, j'ai laissé tomber. Il y a des parties que j'ai pas lues, je te dis, les magiciens, en fait, les trois quarts des parties, je les ai quittées en cours de route. La guerre dans l'espace, ça m'a saoulé. Les vilains, je les ai même pas lus. Les magiciens, ça m'a saoulé. Celui que j'ai lu en entier, je crois, c'est le 1 et le 5, en fait. Tous les autres, j'ai lu des bouts parce que ça me prenait la tête. Moi, j'ai Et. pas. Pardon. Vas-y, vas-y. Non, j'ai pas encore fini le tome 5. Mais. Ouais. C'est comme Vinch, en fait. Moi, ça m'a. Bon, je l'ai bientôt fini, mais. Je l'ai lu, et puis au final, je fais. Ouais. Alors après, je pense que peut-être on le lit maintenant. Et que du coup, on a moins cette impression Events, d'importance. ouais, bien sûr. D'importance du titre Ah, mais ça veut rien dire parce que Blackest Night, moi j'avais ultra kiffé. Blackest Night, j'avais trop kiffé, moi, mon truc préféré, mon event c'est préféré. beaucoup plus court, hein. Ouais, parce que aussi, oui, c'est aussi peut-être ça parce que Urban, ils ont pas, à ce moment-là, ils avaient pas tout publié, donc c'est Ouais, peut-être ouais. passé mieux. Je sais Bon. pas si t'avais lu No Man's Land, Wally, mais t'as un peu le même problème sur ces séries-là où ils te mettent tous les tie-ins, toutes les séries Ah, autour, mais et au ça, c'est. final, ce qui se passe vraiment dans No Man's Land, c'est tellement dilué que C'est tu perds ça. l'intérêt. Non mais j'ai vu cela, j'avais vu, c'est des pavés, j'avais pas acheté. Moi pour l'instant mon event préféré chez DC c'est Identity Crisis. Il est pas gros, Ah bah c'est voilà. clair, 12 issues, un petit Voilà, bisou. c'est Bon, impeccable. Identity Crisis, c'est vraiment bien. Maintenant, ouais, c'est Identity Crisis, c'est un peu le préquel à Infinite Crisis, mais voilà, ouais, ça il se vaut mieux. J'ai beaucoup plus kiffé Identity Crisis que l'Infinite, quoi. Parce que c'était fort long et c'est surtout le dénouement, ce qui se passe, les conséquences. Là, ce qu'on en voit, c'est ouais, c'est juste que la Trinité, elle décide, elle fait un choix que voilà, quoi, ça va juste amener à un autre tome que. Ah, c'est un peu Les le 52, défaut quoi. de Geoff Johns, il a souvent du mal à conclure ses events. Ouais, beaucoup d'auteurs ont du mal à conclure leurs events, en fait, Ouais, quand ouais, tu regardes. Parce que c'est tellement ils veulent monter dans la surenchère, j'ai l'impression que t'arrives tellement haut, mais je pense qu'ils ont quand même des ciseaux artistiques qui peuvent pas faire n'importe quoi, alors à un moment, c'est obligé de retomber. ouais. D'un peu retomber à plat, quoi. Et après, ce qui est pas mal, c'est que ça prend la suite. T'as les dissensions au début dans le tome 1 de Infinite Crisis. Là, t'as les dissensions suite à Identity Crisis. Ça, c'est pas mal. Mais après, ouais, je trouve que c'est parti un peu trop loin. Il y a eu trop de trucs dans l'event qui servent à rien, en fait. Donc, ouais, j'attends Crisis on Infinite Earth, qui est censé être absolument génial. Mais bon, maintenant, j'ai un peu peur quand même. Ah, mais ouais, Ouais. enfin, ça a rien à voir avec Infinite Crisis, hein, c'est beaucoup plus vieux, c'est un autre type de narration. Hein. Ouais, là, je pense que je vais Ouais. avoir mal aussi. Si c'est comme Flash, Ouais. la légende, ça va être dur. Toutes les parties de la légende, c'est dur. 85, hein, je crois, Oh là là, Crisis. c'est quand je suis né. C'est quand je suis né, putain. Ah, t'es né en 85, oh la T'es né en vache. 85? Ah ouais? Tu crois que Ah j'avais quel âge? ouais? Hein, bah, mon âge, Ah genre non. plus jeune. Je suis un vieux, mon gars. Ah ouais. Enfin, Mais ça ouais. va, Cédric, t'es. T'as quel âge, T'étais Cédric? genre né quoi, toi, en 75, non? Non, pas loin, mais non. 79. Oh putain, le vieux. Ah, en Ah fait, ouais, non, quand même. en fait, t'as 6 ans de plus que moi, en fait. Ah, Ouais, ah. ça va, en fait. Et Vinch, t'es né en quelle année? La Vinch, il a 89. 19 ans. Ah, Sale 89? connard, Ah, 89, putain. sale bâtard. Ah, t'as 80. T'as Vinch, tu parles de plus en plus mal, hein. La crise d'adolescence, là, il faut faire quelque chose, hein. T'es un J'essaie de peu me faire fou, quoi, respecter hein. ici, ok? Oh là C'est là. les boutons d'acné qui sortent. C'est ça. Donc, Infinite Crisis, donc si vous l'avez pas commencé, on le conseille de le commencer ou pas, quand même, du coup? Ouais, Ouais, quand même. il faut quand même le lire. Je pense qu'il faut quand même lire. Maintenant, vous attendez pas à un truc de malade qui va Ah, genre de vous toute tuer façon, pendant des. si vous avez lu les quatre premiers tomes, il faut finir. C'est le dernier, celui-là, non? Ouais, vous rachetez le cinquième et vous vendez le tout, les cinq d'un coup. Non, non, mais oui, si vous avez les quatre, vaut mieux acheter le cinq, hein, c'est sûr, parce que Après, ça compte finir comme ça. moi, ce que j'ai trouvé quand je l'ai lu, enfin, au cours des 5 tomes, c'est que j'ai trouvé que par rapport au New 52, enfin, de ce que moi j'ai commencé par les New 52, c'est que l'univers est complètement plus riche Ah oui, que. mais c'est sûr, bah après, t'as une continuité, t'as une plus. Oui. Mais du coup, on sent vraiment que là, donc, quand on lit Infinite Crisis, que l'univers est très très riche. Et que ça se limite pas à ce qu'on a pu lire dans New 52 où vraiment on gratte la surface, je pense. Ah ouais, oui, c'est sûr, c'est plus profond. Ah non, mais ça, c'est sûr. On espère qu'avec Rebirth, il y aura cette richesse qui reviendra, quoi. Là, c'est sûr qu'avec le passé qu'ils ont, ils peuvent pas aller. En plus, la continuité, elle est toute baisée. On sait pas qu'est-ce qu'il y a pas eu dans les Ouais. New 52, donc c'est sûr que c'est pas évident. Mais après, peut-être que Steven, parce qu'il y a pas mal de références, je crois, à Crisis on machin, là, à la première Crisis. Donc peut-être qu'après, un vrai fan qui est né en 1925, il va plus kiffer s'il a lu Crisis avant. Donc je vais essayer de lire Ouais. Crisis et revenir une deuxième fois faire une rediff sur celui-là. Peut-être qu'à ce moment-là. Il y aura des trucs que j'aurais pas capté et qui prendront plus de sens, quoi. Putain, Ouais. je parle bien, Bah du coup. ouais, vu que le Superman de Oui. le vieux Superman, c'est celui de De Crisis on Crisis. Infinite Earth. Ouais. C'est ça? Ouais, donc le Luthor Ah. aussi de je pense que le Luthor aussi on voit ouais, Et enfin les personnages un vieillissent. Superboy. Le Superboy aussi, non? Il date de Crisis on Infinite Earth, non? Non, je pense pas. Non? Non? Je sais pas, ouais, si, je pense qu'il l'aperçoit, mais lui, c'est vraiment. Je me rappelle plus. Lui, c'est le Superboy de Prime Earth, la Terre où il y avait que lui comme super-héros. Mais lui, il était pas dans un event déjà? Il avait Après, pas un lien après, il avec va Green revenir plein Lantern? de fois, il va être là dans. Il va arriver dans l'event, puisque. Après ça, justement, si t'as lu jusqu'à la fin, il est emprisonné par C'est ça. les lanternes, puis après, il va s'évader, il va. Par le Sinistre Corps, ils vont l'aider à s'évader, puis après, il va revenir dans le futur, enfin, lui il sera dans plein de trucs, tu vois. Oh, il a été dans un truc de Green Lantern, je crois, non? Ouais, mais après, tout ça, c'est tout ce qui. Urban a publié 2-3 trucs avec lui encore, mais ça se passe après ce Infinite Crisis, quoi. C'était quel event dans Green Lantern qu'il était là? Le Sinistre Corps. Sinistre War. Ah oui, d'accord. J'ai aucun souvenir de Superboy dans le Sinistre Corps War, mais c'est possible. Dans Sinistre War, ouais, tome 1 et 2, il était dedans. Puis il vient aussi dans. Où est-ce qu'il est? Dans un des tomes de Superman de Geoff Johns, où il va dans le futur, où il est envoyé dans le futur et il pète les plombs. Il voit que Superman, c'est genre, il est adoré de tout le monde et il pète les plombs. D'accord, enfin, je Ouais, regarde tout il est ça. dans 2-3 trucs, quoi. Ok, on va basculer sur Suicide Squad tome 1. Ouais. Moi, j'ai pas osé l'acheter, hein. Je l'avais lu en scan à l'époque, ça m'avait pas fait rêver. Vince, alors ton avis? Ouais, non, bah ça, j'ai bien aimé. C'est un peu un truc. Ouais, c'est un peu un truc no-brain, quoi. Faut pas dire, je vais lire des trucs de dingue, quoi. C'est vraiment, ça se laisse lire, c'est cool. Et t'apprends quelques trucs sur la Suicide Squad, tu découvres un peu l'équipe et tout. Mais c'est vrai que c'est pas transcendant, quoi. Je sais pas ce qui a été fait avant, j'ai jamais lu. C'est les New 52 ou Ouais, c'est oui, Ostrander? c'est pas Ostrander, c'est New 52. Ah, ok. Ah, Ouais. ouais, Mais non. donne J'ai le. jamais lu à part justement dans Infinite Crisis, tu vois la Suicide Squad, je pense, dans le tome 2, je crois. À part ça, j'ai jamais rien lu sur eux, donc moi je les découvrais un peu comme ça. Ouais, c'est Bah, sympa et tout, maintenant donne un peu c'est. le pitch. Ouais, le pitch, c'est ça le plus gros problème, c'est qu'en fait tu lis un truc, mais tu sais pas vraiment. En gros, la Suicide Squad, bah, c'est une bande de criminels qui sont largués sur le terrain pour accomplir des missions pour Waller. S'ils accomplissent pas la mission, bah, leur fait péter la tête. Et s'ils accomplissent la mission, bah, ils sont sans avoir une réduction de peine. Et tu les vois accomplir des missions, bah, là, au début, ils se font torturer. Et puis ils doivent. C'est un peu what the fuck quand même pour le début, tu les vois se faire torturer. Et puis après, tu vois qu'ils doivent buter une espèce de femme dans un stade mutante, récupérer son bébé. Donc le début, c'est vrai que le premier arc, en fait, quand je lisais, je le lis, je me dis putain, c'est un peu what the fuck. Je me dis c'est quoi ce délire avec. Avec les mutants et tout. Oui, avec les mutants, c'était un peu. Non. Ouais, puis après, ça va, ça repart mieux. Ils partent pour essayer d'aller chercher, d'aller kidnapper une femme, justement, qui a inventé un virus. Puis ils doivent régler une émeute dans une prison, etc. Puis ils partent à la recherche d'Harley Quinn qui s'est évadée. Enfin, ça se laisse lire. Franchement, c'est sympa. Maintenant, c'est vraiment pas ce qu'il y a de mieux. Je comprends pourquoi ça a pas fait. Pourquoi les gens n'en ont pas parlé, qui en bien, quoi. Parce que c'est vraiment. Envie de lire un truc un peu fun sans trop te prendre la tête, tu dis ça, mais voilà quoi. Si Ouais. t'as genre pas de thune et que tu comptes tes comics à la goutte près, tu vas pas aller acheter Suicide Squad. D'accord. Ouais, ben non, Ouais, je non, comptais pas de maintenant toute c'est façon. sympa quoi. Tu vois, si tu veux découvrir un peu la Suicide Squad avant d'aller au cinéma, bah, je trouve que c'est sympa et ça se fait se lire. Et la suite est bien mieux, je crois. J'achèterai. Non, enfin, y a pas... ils vont pas sortir celle de Ostrander? Parce que celle-là, apparemment, elle est bien. Ouais, Elle est pas prévue, celle-là? je crois que c'est prévu cet été. Bon, pour le coup, Ouais. la Suicide Squad de Strander, c'est génial, mais par contre, t'as pas le roster que t'as au ciné, hein. Ouais, mais Il y ça, a je m'en pas fous parce que. Harley Quinn, il y a pas Killer Croc. Ouais, mais moi, ils me font pas rêver ces personnages-là, tu vois. S'il y a Deadshot et. J'en sais rien qui, enfin, ça ira, quoi. C'est vraiment. Ouais, non, je rebondissais sur Vinge qui disait, pour ceux qui veulent découvrir la Suicide Squad avant d'aller au ciné, faut pas lire la Suicide Squad de Strander. Faut la lire Non, je parce que parle de la c'est Suicide très Squad bien, New mais. 52, quoi, si tu veux un peu entendre parler, parce que là, le Ouais. roster ressemble un peu. T'as Deadshot, t'as T'as Harley Quinn. Diablo, t'as Harley Quinn. Ouais, t'as Diablo, Mais du coup, Killshark. ouais. Non, il est pas dans le film, lui. Pour le coup, Diablo, moi je connaissais pas. Il y a une bonne introduction au personnage de Diablo. Donc. Ouais. Ouais, c'est pas de coup pour découvrir, ok. Mais bon, pour découvrir, ouais, c'est sympa. Après, c'est pas. Ouais, c'est Ouais, sûr. maintenant, je pense que les gars qui ont dû lire la Suicide Squad de l'époque, qui avaient l'air vraiment bien, bah, je pense que quand ils tombent là-dessus, c'est sûr qu'ils doivent un peu tomber de haut, quoi. Ah, moi, ça m'a fait un choc, hein. D'accord. Ah ouais, non, la Suicide Squad des New 52, il n'y a rien à Non, sauver. Il non, y a pour. Tim City, ce que fait Tim Seeley en ce moment, c'est pas trop mal. Non, je trouve que ça reste dans la veine des New 52 aussi, quoi. Ça se vaut par rapport à ce qui a été publié. Mais Pour le reste. par contre, ce que tu dis, Vince, c'est pas vrai. Enfin, le tome 1, là, c'est pas trop mal. Ce qui viendra après est pire. Hein. Bah, j'ai bien aimé, moi, enfin, je sais quoi, parce que moi, j'avais lu en VO le. C'est comment qu'ils ont appelé quand ils ont fait un mini reboot de Ouais, c'est Suicide Squad ça. Ouais, Relaunch. c'est ça. Ouais. Bah, moi, c'est ça que j'ai détesté. Hein. Ouais, moi, je trouvais que c'était encore sympa avec quand ils étaient en Russie, etc. Ou en Corée, je sais pas où c'était. Russie, je crois. Bon, Corée et Russie, c'est presque pareil. Ouais, je sais pas, enfin, c'était dans là-bas. Ça sort le 19 août, la Suicide Squad. Ah bah voilà, j'irai me faire péter ça. Ouais, ça c'est bien. Mais pareil, hein, Willy, c'est du vieux, hein, c'est 87. Oh putain, bah Mais ça je... Hein. se lit très bien. C'est pas du tout narration en poulet. C'est très moderne pour l'époque. Ah bah en plus, t'auras dedans, il y a Suicide Squad 1 à 16. Ah bah dedans, il doit y avoir le crossover avec la GLI alors. Il y a aussi un épisode Doom Patrol Suicide Squad. D'accord. D'accord. Ouais, ça peut être pas mal. Bah, je regarderai d'abord comment c'est et après. Mais ouais, ça m'intéresse ça par contre. Tu voulais parler d'un autre truc en français, non, Fabien? T'as Oui. pas fini de lire, mais t'as commencé? Ouais, j'ai commencé et j'ai eu une bonne partie. C'est Red Hood qui est sorti vendredi là. Que j'ai commencé. Ça se lit vite en fait, assez rapidement. Bon, le pitch, c'est que y a un nouvel ennemi en ville, on va dire, à Gotham. Et en fait, c'est ce qu'ils trouvent être Redwood. Bon, au sens, je pense que tout le monde est C'est au ce qu'ils ont adapté en courant. animé, non? Voilà, c'est ce qu'ils ont adapté en Ouais. animé. Il y a des passages qui sont, bah, comme d'habitude, qui sont changés par rapport À l'animé. par rapport à l'animé. Et bon, voilà, c'est sympa. Après, bon, c'est la suite de Un deuil dans la D'œil dans la famille, hein. Deuil dans la famille. Donc bon, ça va. C'est pas. Je m'attendais à un truc peut-être un peu plus exceptionnel, mais bon, en fait, je pense que le truc exceptionnel, c'est de qu'on sache pas qui est Red Hood, en fait. Ouais, c'est sûr. Mais bon, pour le coup, vu que maintenant. Bon, il y a prescription, ça fait plus de 20 ans, tout le monde le sait maintenant. Ouais, c'est Oui, ça. voilà, donc On je s'est fait pense spoiler que. par la vie, en fait. Ça fait déjà 20 ans qu'ils ont sorti ça, parce que moi je l'avais lu en kiosque chez Panini à l'époque, mais ça fait. Non, Under ça fait the pas 20 Redwood, ans. ça fait un petit moment maintenant. Début des années 2000, Under je crois, non? Et on est en Ouais, 2016, les gars, hein. Le temps passe vite, hein. ouais c'est vrai, ouais, je me souviens, j'avais l'histoire chez Panini. C'est moi, j'ai commencé les comics avec ça, donc je me demandais pas ce que c'était, mais. Ça, c'est lire, quoi. Tu l'as lu, Voilà, Cédric, toi? ça. Ouais, je l'ai lu. Ouais. Tu te conseilles, toi, ou... Bah, un peu comme Fabien, c'est pas la meilleure histoire de Batman, mais c'est une bonne petite histoire de Batman, ouais, c'est pas mal. D'accord. Ok, vous avez autre chose à rajouter, les gars, ou on passe au Revue Comics BO? Non, on peut passer à la VO. Tu fais quoi, Vince? Tu restes ou tu t'en vas? Non, ça va, je reste. De toute façon, vu que vous avez mis les reviews en commentaire, je me suis fait spoiler déjà comme une merde, donc ça va. Ouais, ça va, on n'a pas C'est trop. moi Ouais. ça, c'est moi qui ai écrit ça. Putain, les spoils. Ah, Série j'ai pas mis grand-chose. sans réaction, plutôt pas mal. Ah ouais, là tu t'es fait spoiler, mon gars. Ah non, crossover qui Hein. amène à la mort de Superman. Je ne savais pas que Superman mourait, Putain, excuse-moi. mais on a. Bon, voilà, tu vois, t'as spoilé tout le monde, putain. Donc on va parler, on va spoiler, donc. Donc. Là, je le mettais pour Wally, je pensais pas le dire. Ah, oh, si, en fait, si. Ouais, mais moi je me Non, mais suis. c'est dans le titre, c'est dans le truc de l'event. L'event s'appelle The Final Days of Superman. Voilà, donc, ouais. Donc En ça même va. temps, je me spoil moi-même parce que je l'ai toujours pas. Il est pas fini l'event. Hein. Si ça se trouve, il meurt pas à la fin. Bon, bah alors, vas-y, commence, et ça va spoiler, donc. Hein. Ouais, donc le premier, c'est une succession de titres qui a été repris par Tomasi. Donc Tomasi, qui va reprendre Superman après Rebirth, a pris la direction de tous les titres liés à Superman avant Rebirth. Donc Superman, Batman Superman, Action Comics et Superman Wonder Woman. Donc c'est les tomes 51 de Superman, 31 de Batman Superman, 51 d'Action Comics et C'est Superman ça. Wonder Woman 28. Donc là tu vas nous faire un topo sur tous ces titres-là en fait. Non, en fait, je voulais juste résumer un petit peu Oui, l'event non mais tu résumes bien, global. tu fais pas épisode par épisode bien sûr. Ah oui, non, Oui, non. non mais c'est pas logique. Vas-y, vas-y, Déjà, écoute. il faudrait que je m'en rappelle. Ouais, non, on fait un truc Non, non, complet. mais en gros, le Superman, avec son nouveau super pouvoir, il a un petit peu trop utilisé et il est très fatigué et en gros, il sait qu'il va mourir. Donc, il profite de ses derniers instants pour aller dire au revoir à tous ses compagnons. Donc, dans Batman Superman, il va dire au revoir à Batman. Dans Action Comics, il va dire au revoir à Supergirl. Et dans Superman Wonder Woman, il va dire au revoir à Wonder Woman. Ça va pas plus loin que ça. C'est un crossover limite pas très intéressant. Si c'est bien écrit, ça peut être touchant, ça peut être Alors, sympa. Ouais. Tomasi est pas mauvais là-dessus. Donc, j'ai lu Detective Comics de lui cette semaine, de ce mois-ci, qui était très mauvais, par exemple. Mais là, non, c'est bien écrit. Tu sens qu'il a ça à cœur. On sent qu'il sait où il veut aller et que c'est lui qui reprendra après Rebirth. Donc, c'est pas mal que ce soit lui qui conclut l'histoire de ce Superman-là. On a l'apparition d'un nouveau Clark Kent. Alors ça, c'est encore très mystérieux pour moi, mais est-ce que ce sera lui le nouveau Superman? C'est celui de Lewis et Clark ou pour rien avoir? Non, rien à voir justement. Et il ressemble pas à Clark Kent. Il dit qu'il est Clark Kent, il ressemble pas à Clark Kent. Il a les pouvoirs de Superman, mais il est méchant. Ouais. Ça, c'est assez intéressant. Bon, je peux pas en dire plus parce que j'en sais pas beaucoup plus que ça pour C'est le pas moment. l'autre, il était mort, Power Man. Power Man. Non, pas Power Man, Ultraman, pardon, Ultraman. Oh putain. Ultraman, c'est lequel celui-là? C'est Non mais Ultraman c'est dans Superman DC. de Terre 3. Ouais, je sais pas s'il est mort ou pas, c'est Ah tout. oui, non, lui il est mort, oui. Non, et d'ailleurs, par contre, il y a un autre kryptonien, c'est Ulysse, qui était dans le rôle de dans Ouais. le run de Geoff Jones, qui intervient aussi pour faire face à ce. Ah c'est cool ça qu'il fasse Ulysse revient, c'est cool. Ah non, ouais, c'est très bien. Ulysse revient. Joli, ouais, joli. Oh là là. Donc voilà, pour l'instant, je suis pas emballé plus que ça. C'est pas la meilleure histoire de Superman de tous les temps, mais c'est pas mal. Voilà, c'est D'accord. tout. Ok, bah du coup il y a pas Spectra, donc Ah, bah, je suis ça tout va seul être là. une Je suis tout 100% seul. Cédric parce que moi en VO j'ai rattrapé ma VF, donc j'ai rien lu, j'ai même pas lu Flash, T'as même pas lu donc Flash? j'ai Ah même pas lu purée, il Flash, mais était bien. apparemment Il était pas écrit par Venditti en plus. ouais, mais je crois que enfin Steve là de Comic Steve, j'avais écouté, m'avait dit que c'était pas terrible, Bah, donc je peux faire je peux commencer par Flash, je peux continuer avec Flash. Donc c'est écrit bah par vas-y. Van Johnsen, donc sans Venditti, ce qui est le. Ah, attends, ce qui est le gros point fort du titre. Hein. De lire un Flash sans Venditti, ça fait toujours plaisir. Donc c'est un numéro double Ouais, avec un backup comme tous les 50, ouais. tous les 50. Sauf que là, c'est un peu l'arnaque, c'est que c'est pas vraiment un numéro double, c'est un numéro simple avec un petit backup. D'accord. et le backup est nul à chier. Il est centré sur toi, Wally. Eh ouais, il a le même nom que moi, cet enculé. C'est grave. Ouais. Et vraiment tout pourri, c'est un truc pour ado. Je l'ai même pas fini le backup, c'est dire. Donc backup sur Wally West, hein, pour les gens qui n'auraient pas capté Ouais, c'est ça, ouais, la backup sur finesse Wally West, dans vos propos. le Wally West ado black, pas le Wally West pré-New 52 qu'on aimait tous. Toi aussi, Donc, dans... Black. ouais, non, c'est surtout qu'il est ado le problème. C'est quand t'as grandi avec Wally, le Wally pré-New 52, c'est dur. C'est dur de que ton personnage ait complètement changé comme ça. Mais bon. Donc là, dans le Flash 50, c'est la suite du précédent où Flash avait été arrêté par les Rogues. Donc il y a à peu près sur le numéro qui doit faire une vingtaine de pages. Donc tu as 8 pages sur chacun des personnages de l'univers de Flash qui apprend que Flash a été arrêté. Donc tu as son père, tu as Iris West. À chaque fois, tu as 2 pages. Oh là là, c'est terrible. Oh là là, c'est terrible. Et Flash en ce moment, c'est pas possible, quoi. Et la deuxième partie du numéro, vu que Flash est en prison, bah, c'est centré sur l'évasion de Flash. Et ça se termine, je vais spoiler comme un sac, ça se termine par S'évade. l'évasion du Flash, mais également l'évasion de l'ensemble des détenus de la prison. D'accord. Voilà. Donc c'est vu et revu, c'est pas terrible. Donc en point positif, ce que je disais, c'est qu'il n'y a pas Venditti. Donc c'est bien. Donc c'est nul, mais ça pourrait être encore plus nul s'il était là, quoi. Voilà, c'est ça, c'est ça, c'est exactement ça. C'est un peu moins nul, et par contre, et le vrai point positif, c'est que c'est pas Brett Booth au dessin. Ouais, il est parti, lui, il est sur Aquaman, hein. Non, il a fait juste un numéro d'Aquaman. C'est déjà lui sur Aquaman. Il part sur Titan après, je crois, pendant Rebirth. Ouais. Putain, la loose. Et c'est Jesus Moreno et Paul Pelletier. Paul Pelletier, c'est pas mal. Non, non, Ouais. les dessins sont chouettes. Lui, il était sur Aquaman, par contre, avant. Ouais. Ok, donc c'est pas maintenant que. Ouais. Donc si vous voulez commencer Flash, attendez Rebirth, parce Ouais, c'est ça. qu'apparemment. Ouais. Voilà. Ah, bah, en plus, après Rebirth, ce sera Joshua Williamson qui a annoncé cette semaine qu'il devenait exclusif DC d'ailleurs. Ouais. Donc ça, c'est chouette. Ok, donc Flash toujours pas terrible. Ben, on parlait Bon, d'Aqua. on va enchaîner avec quelques bons titres. Aquaman 51, qui est toujours écrit par Dan Abnett, et Vicente Cifuentes qui revient au dessin. Donc le mois dernier, on avait un numéro qui était double, qui était vraiment bien. On avait deux parties, une partie super-héroïque centrée sur Aquaman, avec l'apparition du nouveau méchant Deadwater. C'était un gros monstre. C'était un humain qui se transforme en gros monstre quand il est en contact avec l'eau, donc c'était assez basique. Mais le design était chouette, puis ça marchait bien. Et il y avait surtout le côté centré sur Mera, qui était un côté plus politique, où tu avais Mera qui devenait un petit peu l'ambassadrice du monde sous-marin pour les humains, et qui avait énormément de succès, forcément, Mera. Forcément du succès. Et bah dans ce numéro-là, c'est la suite de la première partie. On n'a pas du tout le côté politique avec Mera, c'est vraiment centré sur Deadwater, qui a été arrêté à la fin du dernier numéro et qui évidemment va s'échapper un petit peu comme dans Flash. Ça, c'est un petit peu le. On s'y attend dès les premières pages, mais bon, le numéro est pas mal. Et on a une deuxième menace aussi qui s'amorce avec un méchant qu'on a déjà vu avant. Alors, je ne sais pas si on l'a vu dans les New 52, Scavenger. On l'a déjà vu, je crois, au On l'a début, vu dans les non? New 52? Moi, ça me dit rien, mais je le connais d'avant, en fait. Mais... Oui, je crois qu'on l'a vu au début des New 52, il me semble, si je Bah, dis pas de au conneries. début, c'était Black Manta, et puis puis comment ils s'appellent, les trucs qui venaient de la fosse, là. Ouais. Mais après, peut-être que le run d'après, peut-être, mais je me souviens plus. Mais il n'y avait pas Scavenger avec Geoff Johns? Ah, ça me dit rien. Scavenger. Ça me dit quelque chose, je me rappelle plus. Faudrait que je Mais bon, regarde. enfin bref, c'est pas très important. Mais on nous réintroduit en tout cas Scavenger. Et là, je crois qu'il reste plus qu'un seul numéro avant Ouais, Rebirth. c'est ça. Donc pour le coup, je pense que le côté politique, on l'aura surtout après Rebirth. Là, le prochain numéro, il va conclure l'histoire avec Deadwater, et c'est tout. Donc si vous aimez l'action, c'est pas mal. Voilà, c'est bien écrit, c'est un bon numéro d'action. Les dessins sont moyens, Cifuentes, quoi. Ouais. C'est pas génial, mais bon, ça passe. Ensuite, ben, ouais, tu peux parler du Batman 51. Donc, c'était le dernier numéro de Snyder et de Capullo. C'est ça. Et avant dernier numéro des New 52, je crois que c'est James Tynion IV qui écrira le dernier. Bon, c'est un numéro bouche-trou. En fait, la vraie conclusion, c'était le numéro 50. Donc, c'est pas un numéro essentiel du tout. Mais pour le coup, c'est un numéro qui était, sans être génial, qui était assez plaisant à lire, parce que ça faisait du bien de retrouver un petit peu une histoire de Batman sans le côté complètement fou et over the top de Snyder. Là, c'est un numéro très simple où Batman est dans la Batcave avec Alfred, et puis après, il part en tournée avec sa voiture, et il fait face à une énorme menace, une coupure d'électricité. Voilà. Ça change. C'est sûr que c'est. Non, ça non, change. c'est un numéro qui change, ouais, qui est pas du tout essentiel, mais qui se lit bien. Et puis par contre, ce qui m'a un peu déçu, surtout que c'était le dernier numéro de Capullo, c'est qu'il s'est clairement pas foulé là-dessus, quoi. Il y a D'accord. aucun décor, il a mis des noirs partout pour pas avoir à dessiner. Je sais pas s'il était rushé pour le finir, mais c'est pas le meilleur numéro qu'il ait fait. D'accord. Ensuite, donc on a Green Lantern Corps Edge of Oblivion numéro 4. C'est la Si fin ou pas encore? je vous saoule, hein, j'arrête, hein. Ben non. Je fais un long tunnel de review. Alors non, c'est pas la fin, hein. Il y en a 6 ou 7, je crois 7, il me semble. Ah, c'est 7, d'accord. Et donc là, c'est vraiment le numéro charnière où on avait une action qui se développait sur les 3 premières issues, et ce numéro-là, hop, il retourne tout. Typiquement à la Tom Taylor où on va complètement à l'opposé de ce qu'on avait jusque-là. Donc je vais vraiment pas en dire plus pour pas spoiler. C'est une très très bonne mini. C'est une mini très action, mais il se passe beaucoup de choses. C'est vraiment dommage que Tom Taylor ait pas de titre après Rebirth. Je l'aurais vraiment bien vu sur Green Lantern à la place de Venditti. Il maîtrise vraiment bien l'univers. Il y a énormément de personnages qu'on a vus dans les séries Green Lantern Corps. Et en plus au dessin, c'est plus Ethan Van Siver, c'est Ardian Siaf que je ne connaissais pas, et il est au moins aussi bon que Ethan Van Siver. On voit pas la différence. D'accord. Donc voilà. Donc très bien, très très bien. Ensuite, on passe à... Putain, ça, je l'ai oublié, je l'ai pas eu, ça me fait chier là, parce que je vais me faire spoiler, donc... Ah bah je vais pas te spoiler. Alors. Ouais, non, mais tu peux aller. Justice League 49, et ils ont sorti un épisode spécial, donc Darkseid War Special, qui est Ouais, centré ouais. sur la file, je sais plus comment ça s'appelle. Guile? Il est centré, enfin, il est pas centré que sur elle, hein, mais il est centré ouais, sur les filles parce qu'il est aussi centré sur Jessica Cruz. D'accord, bah ouais, j'en ai lu aucun, donc bah, je t'écoute. Bah, le Darkseid War spécial, il est très bien, mais il n'est pas essentiel pour lire l'event. C'est un petit peu D'accord. comme les Ouais. petites séries qu'ils avaient sorties sur les différents nouveaux dieux. Ouais. Et il n'est pas dessiné par Fabok. Qui est aussi un argument de choix quand on lit la Justice League. Mais le Justice League 49, pour le coup, il est essentiel et il est dessiné par Fabok. Donc enfin, parce qu'on l'a attendu, ça fait un moment qu'on n'avait pas eu de Justice League, hein, je crois que ça Ouais, ils fait au sont moins en 2 ou 3 retard mois. aussi. Bah Hein. ouais, parce que regarde, ils sont tous au 51. Ouais, sauf Justice League au 49, ouais. Alors Flash qu'il n'y of avait pas Flash, eu, alors qu'il n'y avait pas eu de retard avant. Ouais. ouais, c'est vrai. Bah, c'est génial. Alors, le seul défaut que je trouve à ce numéro, c'est le fait qu'il ait introduit tellement de personnages. T'avais lu le 48? Ouais, je crois que je l'ai vu. Ouais, t'étais à jour, donc tu vois qu'il y a énormément de personnages. Donc, il y a les nouveaux dieux, il y a tout ce qui se passe sur Apocalypse, il y a tous les personnages autour d'Apocalypse, comme Mister Miracle et Barda. Il y a vraiment beaucoup de personnages. Et du coup, en 20 pages, pour faire avancer l'histoire sur tous les personnages, ça avance pas très vite. Donc on a un peu le sentiment qu'il se passe pas grand-chose dans le numéro parce que en raison du nombre important de personnages, c'est un D'accord. petit peu un effet Game of Thrones. Je vois le délire. Mais après voilà, si le 50 il est double, là ils vont peut-être pouvoir accélérer quoi. Mais si c'est ça qui me fait un peu peur, et connaissant Geoff Jones, Ouais. on en parlait tout à l'heure, son problème à conclure ses events, qu'il conclut un peu vite son histoire. Parce qu'on en est à l'épisode 9, mine de rien, de la Darkseid War, plus les Ouais. taillis, donc ça fait un moment que ça dure, mais au final, on a l'impression que l'histoire avance pas beaucoup, à mon avis, parce qu'il y a trop de persos. Mais moi, c'est ce que j'aime aussi dans cet event-là, c'est qu'il y a énormément de personnages, c'est très riche. Donc voilà, je prends toujours autant mon pied, hein, c'est toujours aussi bien. J'essaie de me le faire celui-là dans la semaine. Ensuite, Superman American Alien 6, donc la série dont tout le monde parle. Ah, le petit bijou de DC en ce moment. Alors, le Max Landis au scénario, toujours. Mise en dessin de Jonathan Case. Spécial dédicace à Vinch pour la mise en dessin. La mise en dessin, putain, j'avais oublié. T'es là, Vince, ou t'es passé en pilote automatique? Non, je suis là, Ah, j'écoute. ok. Je regardais quand se finissait Edge of Oblivion, en fait. Alors, c'est 6 ou 7? C'est 6. C'est 6, ok, ouais. D'accord. Bah, ça se terminera après Rebirth, du coup, je pense qu'il y en aura encore un. Bah, Parce que je crois pas, vu que. Rebirth, c'est le 25 mai, hein, c'est dans 3 semaines. Hein. Ouais, mais je pense qu'ils vont accélérer la publication, ou alors ça va faire con, parce que je crois qu'il y a. Elle sort Ah non, pas. non, juste, non, c'est vrai, c'est vrai, parce que Green Lantern, Rebirth sort en juin, D'accord. Mais c'est seulement centré sur deux Green Lantern qui sont encore présents sur la Terre. Et justement, Hal Jordan and the Green Lantern Corps sort en juillet, donc juste après Age of Oblivion. Ah, Parfait. il Mais par décale les contre, sorties. le titre Green Lantern est centré sur Jessica Cruz qui est dans la Justice League. Et la Justice League, on ne sait pas quand est-ce qu'il va sortir le dernier numéro. C'est sur Jessica Cruz et Simon Baz. Ouais, Simon Baz, Ah, ils vont encore ok, faire de la merde, c'est tu vas top. voir. Ça va commencer, il y a des Ah ouais, séries qui bah oui, seront pas parce que terminées. bah ça c'est sûr. À part Justice League, ils sont plutôt pas mal dans les temps, je crois. Mais Ah, mais bon, sinon. le problème, c'est que c'est ta Justice League qui aura peut-être le plus Bah, d'impact et c'est lui qui est là c'est pour, ça le quoi. Maintenant, problème. Ouais, je pense que la fin de Justice League doit. Enfin, ce qui est con, c'est que la fin de Justice League, je pense, se coordonne avec le début De de Rebirth. Rebirth 1 spécial. Donc. Bah, le spécial, il sort dans 3 semaines, alors que le Justice League Ouais. 49, il est sorti cette semaine, donc c'est mort déjà. On va avoir le début avant la fin, quoi. Ouais, c'est Vraiment. ça. Ouais, ça c'est qui oui. Ouais, donc. Superman American Alien 6, alors c'est un numéro très particulier dans le sens où il ne se passe absolument rien niveau action. C'est un numéro où les personnages ne font que parler. Ce qui est. Alors, en fait, je l'ai lu 2 fois et ma première lecture, j'étais un petit peu déçu. Et en le relisant, je me suis rendu compte un petit peu de tout ce qui se passait, de toutes les allusions qui étaient faites. Et en fait, ouais, Max Landis, il est vraiment, vraiment, vraiment fort. Hein. Donc c'est un numéro dans lequel Superman est Superman depuis 1 an et ses anciens copains de Smallville viennent le visiter et en gros ont un petit peu peur que Clark Kent ait un peu pris le boulard D'accord. et donc ils vont le confronter à toutes ces contradictions de vouloir être Clark Kent et Superman à la fois et c'est un numéro très, très introspectif où Superman va un peu en prendre plein la tronche de la part de ses copains qui vont le remettre à sa place. Et vraiment un numéro très touchant, très très beau. Voilà, cette série est juste magnifique. Moi j'apprendrai en français quand elle sortira chez Ah Urban. ouais, mais ça sortira, c'est obligé. Hein. Enfin, pour moi, c'est d'ores et déjà un classique hein, parmi les meilleures histoires de Superman. D'accord, ouais, carrément. Ouais, clairement, j'avais lu les 2 premiers, j'ai pas été transcendé plus que ça, moi, pour le moment. Donc je Ah ouais. continue la Ouais, mais suite. toi t'as pas de cœur, toi. Bah Bah si, si, mais mais pour le coup, je trouvais pas que c'est. j'avais beaucoup apprécié les 2 premiers, et c'est à partir du troisième que j'ai vraiment. J'aimais bien, mais j'ai pas trouvé ça, parce que tu dis que c'est genre un classique, donc c'est pour ça, je me souviens que je l'ai lu, faut que je continue, j'ai pas eu le temps de lire la suite, mais je trouvais ça bien et tout, mais je me suis pas dit, putain, il faut absolument que je lise le numéro 3, quoi. Ouais, Il mais faudrait c'est que vrai que c'est à je le partir du continue, quoi. 3 que j'ai commencé à vraiment prendre une claque à chaque numéro. Le 1 et le 2 m'avaient beaucoup plu, mais c'est à partir du 3 que. Moi j'avais pas aimé le 1, j'avais pas trouvé grand chose, mais je le prendrai quand même en TP, hein. Et au moins qu'en TP ça sera bien avec tous les C'est l'autre qui numéros fait le d'un malin, coup. t'as pas de cœur, toi t'as carrément pas aimé du tout, quoi. Ouais, non, c'est pas aimé, mais c'est que voilà, j'avais rien trouvé d'extraordinaire quoi. Mais non, je prendrai le TP de sûr. Et là, tout le monde sait que Clark Kent c'est Superman ou. Alors c'est ça le truc, c'est que personne ne le sait sauf les habitants de Smallville. D'accord. Mais ça, on l'apprenait déjà dans la première issue, qu'on voyait que les habitants de Smallville n'étaient pas surpris de voir Clark avec des pouvoirs. D'accord. Ok, il reste Superman, oui, c'est Clark, numéro 7. Ça, c'est pareil, si ça sort en français, je vais l'acheter. J'avais commencé, je m'étais arrêté au Ouais, 3 ou au 4, j'avais ça. bien kiffé, mais après, j'avais plus le temps, Ça, quoi. c'est pour les gens qui aimaient Superman avant les New 52. C'est la série qu'il faut lire. Hein. C'est Dan Jurgens au scénario et Lee Wicks au dessin. Donc là, on arrive vraiment à la toute fin hein, de l'histoire. Je ne sais pas ce que je vais dire pour pas spoiler, parce qu'il ne reste plus qu'un avant Rebirth. Mais en gros, de toute façon, ça, on le sait. Hein, Clark et Lois ont un fils qui s'appelle John, et John commence à manifester des pouvoirs. Et donc, c'est ce personnage-là qu'on retrouvera dans la série Super Sons avec Damian. Et D'accord. Ah, d'accord. donc c'est dans ce numéro-là que, enfin c'est déjà dans le numéro précédent, on le voyait manifester des pouvoirs, et dans ce numéro-là, en fait, Lois et Clark vont lui révéler qui il est, qu'il est le fils d'un extraterrestre et qu'il a effectivement des pouvoirs avec son père et Superman. Donc John le prend pas super bien, mais c'est pas Damian non plus, c'est pas un petit gamin chiant à la Damian, il a plutôt le même caractère que son père. Donc je pense que ça fera une bonne série avec Damian parce qu'ils ont des caractères presque opposés. D'accord, ouais, je vois le délire. Ouais. Et sinon, le numéro est aussi centré sur Clark, enfin sur Superman, qui lui fait face à la bêtise humaine, et ce que j'appelle l'anonymisation du monde, en fait, avec des gens qui font des bêtises juste pour passer à la télé. Et voilà, c'est donc Clark ne peut pas aller sauver sa femme et son gosse parce qu'il doit sauver des gens qui ont été trop cons pour se mettre en danger. Donc je pense que c'est Dan Jurgens qui essaie de faire passer un petit message. Voilà. Et puis donc la menace finale sera résolue dans le dernier numéro, mais l'essentiel est fait maintenant. Hein. On nous lance Rebirth, c'est-à-dire John pour la série Super Sons, et puis le Superman, ce Superman-là qui sera le Superman de Rebirth. D'accord. Et le dernier numéro, c'est le numéro 8. Ouais. Ouais, parce que ça, je suis au numéro 5, mais ça je kiffe grave cette série. Ah, c'est vraiment bien. Truc. Ça, c'est vraiment très bien. C'est les deux bonnes séries Superman. Enfin, les autres séries Superman prises par Tomasi sont correctes aussi en ce moment. C'est bien mieux que ce qui se faisait avant. En ce moment, Superman, c'est pas mal. Hein. Et enfin, j'en ai une dernière, Titans Hunt. Bah, je vais aller très vite. C'est un peu le même kiff que Superman, Lois et Clark. C'est-à-dire que c'est une série qui nous... Ambiance très pré-New 52, qui nous lance sur ce que sera la série Titans sur Rebirth. Voilà, je vais pas en dire beaucoup plus. On a tous les anciens Titans, pas les Teen Titans de maintenant, mais les anciens Titans, c'est-à-dire Nightwing, Donna Troy, etc., qui font équipe de nouveau et qui feront équipe probablement dans la série Titans. Ouais. Donc très très bonne série aussi, presque aussi bonne que Lois et Clark. Ouais, cette série, j'ai vu que tout le monde en parle, j'ai vu quelques trucs, j'ai pas encore lu, mais en fait, il y a une grosse question qui m'interpelle là-dessus, c'est ça se passe quand ce truc-là? Parce que Dick Grayson n'est pas censé être, être espion. C'est le gros défaut des New 52 en ce moment, enfin du DC, comment on appelle ça? C'est le DCU. Ouais. Ouais, c'est que la continuité est complètement à l'ouest. Et Donna Troy, elle n'est pas censée être en tour parce qu'elle a tué plein de gens sur Themyscira. Ouais. Mais pourtant, ça se passe juste avant Rebirth. Hein. Oh, ouais. Ouais, en fait, ouais, ça se passe, cette série-là, niveau temporalité, ça se passe juste avant Rebirth, mais après toutes les séries en cours actuelles, quoi, je suppose. Ouais. Mais c'est vrai que t'as raison, hein. Dick Grayson, il a même son costume de Nightwing, le costume bleu. Hein. Ah ouais. Ouais, donc ouais, ça se passe vraiment... si tu veux vraiment rester un point sur la temporalité, tu es obligé de te la taper juste après les séries qui sont finies maintenant, quoi. Ouais, c'est ça. Ou alors, ouais, mais enfin, c'est vrai que ça fait un an où, quand on leur pose la question, les officiels de DC te répondent: ah, mais la continuité, on s'en fiche. Lisez vos séries chacune indépendamment. Mais c'est, pff, ouais, c'est là qu'ils sont complètement plantés. Ils se sont complètement plantés avec ça, hein, parce que ça, ouais, ça énerve beaucoup de monde. Tu lis DC pour ça. Hein. Ouais. Ouais, bah toute. J'aime bien la continuité partout. Maintenant, c'est sûr que dans les comics, ça a toujours été un peu chaud, mais. Ouais. Voilà, mais c'est une bonne série que je recommande vraiment si tu aimes l'univers de après New 52, ça devrait être. Je me la lis celle-là. Ouais. Ok, vous avez autre chose à rajouter, les gars? Non. Non, Fabien, t'as rien à ajouter concernant ça? Cédric? Oh, j'ai soif. Ben, on va commencer par toi, Vin. T'as fait quoi d'autre alors ce mois-ci à part tout ça? À part tout ça. Entre geek, hein, après que t'allais faire les courses et tout, on s'en fout. Ouais, bah à part ça, je réfléchis là vite fait. J'ai pas fait grand chose en fait ce mois-ci. Franchement, le mois il est passé super vite. Rien en fait. T'es pas allé voir Civil War? Non, toujours pas. Je vais aller voir peut-être la semaine prochaine, la semaine d'après. J'attendais que le monde soit passé parce que j'ai envie d'aller le voir, mais je suis pas genre comme Batman Superman où j'étais le voir day one, quoi. Là, je peux attendre une semaine ou deux, ça me dérange pas plus que ça. Donc non, j'ai pas fait grand chose à part lire quelques comics et voilà, c'est tout. Okay. Okay. Une série, à série, non série, j'ai pas trop regardé des séries en fait. Ouais. Non, je l'ai vu. Par je me remate un peu Doctor House des fois, c'est tout. T'es sérieux? Quoi? Ouais, j'aime bien, ça me fait kiffer cette série. Non, t'as 26 ans et tu regardes Doctor House? Non, mais c'est même pas ça. C'est il a 26 ans et il re-regarde Doctor House. C'est très bien. Je l'avais regardé à l'époque en anglais, maintenant je veux le refaire en VF, quoi. Oh, la vache. Mais t'es malade, enfin, je sais pas, il y a Game of Thrones en ce moment, il y a plein de séries, ouais, quoi. Ouais, non. Je regarde pas, j'aime pas Game of Thrones. T'as pas Game of Thrones? Non, franchement, j'ai jamais trop kiffé les trucs médiévaux et tout, c'est pas trop mon truc. Médiévaux, ouais. Mmh. Ok, bah vas-y, Fabien, à ton tour. Je suis pas allé voir Civil War, mais non, je suis content parce qu'en fait on est fin avril et ça veut dire que Game of Thrones a repris. Moi j'ai pas. Me spoil pas, moi j'attends qu'il y en ait 4-5 d'avance pour regarder. Ah ouais? Ah non, ouais. J'attends ça le lundi soir comme la messe. Ouais, c'est pareil, moi le 18h, je rentre du boulot à 18h, je me regarde Game of Thrones. C'est ça, parce que. Non, c'est pas possible parce que si tu vas un minimum sur tous les sites, enfin n'importe quel site d'actu ou que tu Mais regardes faut pas, ton. faut tout bloquer, tu bloques tout. Ah Tu non, mais bloques je vais tout. pas bloquer pendant 4 semaines. Enfin. Non, voilà, après. Non, ben. Rien d'autre. Si. Pas grand chose d'autre. J'ai comment Ah si, j'ai commencé Better Call Saul. Ah, très bien. Très très Putain. bien. Moi j'ai Très craqué. très bien. Mais J'ai c'est. comment J'ai commencé, enfin, j'ai regardé le premier épisode, mais j'avais pas accroché, je sais pas pourquoi. Mais là, je commence à tout me regarder et c'est vraiment, j'accroche vraiment. À part le personnage du frère qui me gonfle Ouais, il est vraiment. relou, ouais. Ouais, le psychopathe Ah, là qui reste bloqué à la maison parce qu'il a peur du soleil. ouais, il me saoule vraiment Ah, il a peur de l'électricité, il a pas peur du soleil. son Ouais. personnage me saoule vraiment en fait. T'en es où là? J'en suis, c'est la première saison et j'en suis spoil peut-être un petit Non, peu. parce que, non, bah, je demande ça parce que le frère devient vraiment intéressant dans la saison 2. Ouais, Ah t'es... ouais, ouais, il ben meurt. là j'en suis où quand les flics sont arrivés chez lui, qui sont rentrés par force et qui se retrouvaient à l'hôpital. Ouais. Et voilà, j'en suis à peu près là, donc c'est super intéressant, j'aime bien. Moi j'ai Et craqué, j'en matais 3 et en fait je voyais pas à quoi ça servait en fait. Où c'est que ça va, à quoi ça sert. C'est marrant et tout, mais. Ouais, c'est T'avais aimé l'histoire. Breaking Bad ou pas, Ah, Wally? j'avais adoré Breaking Bad, mais justement là je me demande où ils vont en fait. Ça. Ouais. C'est quand même. Enfin, c'est l'histoire parce que de Saul Goodman avant qu'il. Enfin, Ouais, avant qu'il. avant qu'il devienne intéressant quoi en fait. Avant qu'il devienne Saul Goodman. Ouais, voilà. Voilà. Avant qu'il devienne un enculé, quoi. Quand au début, Moi, je me suis arrêté où il y a un moment donné où il doit mettre une pancarte de pub. Hein. Je sais plus c'était quel épisode. Je sais pas si tu te rappelles, Cédric. Il doit mettre Oui, une pancarte de c'est pub. le 3 ou le 4, je crois. Ouais, ça doit être ça. C'est le 4. Et après, moi, j'ai craqué. Ça m'a saoulé, en fait. Je trouvais qu'il se passait rien. Bah, c'est un peu comment dire, sur le niveau du rythme, c'est comme Breaking Bad, c'est très lent. C'est Ouais, mais très très Breaking Bad, lent. c'est lent, mais il y a de la drogue, il y a la mafia, enfin, les trucs intéressants, quoi. Là, Ouais. tu Mais vois, en c'est ça en fait, fait c'est qui. construit sur le même modèle où tu as Breaking Bad, c'est la construction d'un monstre. Ouais. Où c'est un mec lambda, plutôt sympa, qui devient le dernier des salopards. Et Better Call Saul, c'est un peu la même chose. D'accord. C'est un petit gars un petit peu loser, qui est pas forcément sympa, mais qui a pas grande envergure et qui va justement devenir le personnage qu'il se crée. Après aussi, vrai, Breaking Bad, la première saison, moi, je l'avais pas trouvé fantastique. Hein. Breaking Bad, ça s'est amélioré avec le temps. Ouais. Peut-être que après je vais y revenir et que autant à la saison 4 ça va me replaire quoi, je sais pas. Moi, j'ai pas senti une grosse différence entre la saison 1 et la saison 2 de Better Call Saul, mais j'étais captivé dès le début, donc. D'accord. Après, il y a tout. Je pense que ouais, bah, Better Call Saul profite du fait qu'il y a le background derrière de Breaking Bad. Ouais, c'est évident. Puis il y a beaucoup de clins d'œil à Breaking Bad dans la saison 2, notamment. On revoit le personnage. Si vous vous rappelez, dans le tout début de Breaking Bad, celui qui se fait tuer avec l'antivol autour du cou dans la cave. C'est vraiment le tout tout début, le premier dealer qui bute. C'est celui qui finit Ah, dans la baignoire? dans la Dans la baignoire. baignoire qui, ouais, qui fait un trou Voilà. dans Et le. donc on le voit dans Better Call Saul, encore vivant. Donc D'accord. il y a plein de clins d'œil comme ça. Moi j'aurais aimé un spin-off avec le crew à Jesse Pinkman là. Les mecs, les drogués qui sont tous débiles là. Eux ils étaient énormes. Mais ça, c'est un peu ta vie, ça. Non, eux ils étaient énormes, ils disaient n'importe quoi, ils tapaient toujours à côté de la plaque, ils étaient complètement défoncés, complètement avachis, eux ils me faisaient rire. Ça m'étonnerait pas qu'on les voit d'ailleurs, parce que là, dans la saison 2, on retrouve notamment comment dire, les deux gros tueurs là, avec les costumes gris. Ah, les Mexicains? Ouais. D'accord. Ok. T'as autre chose à rajouter, Fabien? Non, non, mais du coup, voilà. Et j'ai voulu me mater Ex Machina, le film qui était sorti l'année dernière là, parce que l'actrice principale a été annoncée qu'elle fera Lara Tomb Raider. Croft, Tomb Raider, voilà. Et puis au final, je l'ai pas maté parce que je me suis retrouvé avec une version doublée en japonais. Donc, Ah, super. Le film Déçu. vaut vraiment le coup. C'est un super Ah film oui, SF et en plus, il était tourné pas très loin de chez moi. D'accord. Ah ouais, la Norvège, c'est un peu même paysage que dans l'espace, non? C'est ça. Non, pour le coup, c'est très beau, c'est très vert. Enfin voilà, bon, j'ai fini. Cédric? Alors, bah on en parlait avant l'émission, mais bon, je vais redire ce que j'ai pensé du film que j'ai regardé hier soir. Hein. Je suis à la pointe des nouveautés, j'ai vu Deadpool. Et à ma grande surprise, j'ai beaucoup aimé Deadpool. Et très drôle, je me suis surpris à rire aux éclats plusieurs fois. Par contre, ce que je reproche au film, un, c'est que l'histoire est très basique. Ça se résume à deux grosses scènes avec une petite scène, avec une scène au milieu pour raconter l'origine du perso. Et aussi le fait que le côté schizophrène du personnage soit complètement éludé. Mais en dehors de ça, même Ryan Reynolds, je l'ai trouvé bon. C'est dire, je crois que c'est la première fois que ça m'arrive. Après, c'est un film que tu regardes pour le côté comique. Après, sinon, l'Origin Story, elle est lourde. C'est un Ouais. film assez basique, mais c'est vrai que niveau humour, ils sont tapés fort, je trouve. Et même les scènes d'action, hein, tu sens que c'est pas un film qui a les moyens d'un film Marvel. Tu Ouais. sens que le budget est pas ouf, mais ça passe bien. Hein. Ils ont centré ça justement sur le côté humour, sur les meurtres de Deadpool, qui sont tous très drôles, plus que de mettre des trucs très spectaculaires, et ça passe bien. C'est un bon film popcorn. Ouais, moi pareil. J'étais agréablement surpris aussi quand je l'ai vu. Ouais. Et sinon, on en parlait tout à l'heure. Hier, j'ai lu Wonder Woman Earth One par Grant Morrison et Yannick Paquette. Et ça m'a surpris. Ça m'a surpris parce que j'étais conquis d'avant, je savais que j'allais adorer. Et j'ai pas adoré autant que je pensais que j'allais adorer. Parce que Oula, ouais. le. Ouais, parce que le. Alors, c'est très bien. C'est objectivement très bien. Mais c'est un poil trop court dans le sens où il se passe pas énormément de choses en 125 pages. C'est vraiment un numéro. C'est la gamme Earth One, donc on revisite les origines des personnages. Et les origines de Wonder Woman, je les connais. Donc il les revisite à sa sauce. Mais je sais pas, il manquait un petit peu quelque chose en plus de ce qu'on connaissait déjà. D'accord. Mais après, c'est Morrison, donc il arrive quand même à l'écrire à sa sauce, à changer les choses qui lui tiennent à cœur, dans le sens où Diana ne quitte pas Paradise Island parce qu'elle tombe amoureuse de Trevor, elle quitte parce qu'elle a envie de quitter, parce qu'elle a une femme forte. C'est une Wonder Woman des années 2010, c'est pas une Wonder Woman des années 40. C'est une femme forte, hein. Voilà, c'est une... Non, mais c'est une femme forte dans tous les sens du terme. Ah, je vois. C'est une série très féministe en fait. D'accord. Celui-là, je pense que je le prendrai en français aussi quand il sortira. Et puis c'est magnifique. Mais Ouais. par contre, le défaut de la gamme Earth One, c'est qu'il faut attendre 2 ou 3 ans entre chaque numéro. Hein. Donc c'est pareil avec le Batman et le Superman. Mais c'est des jolies graphic novels, ouais, c'est très bien. Et sinon, j'ai acheté une PS4. Oh, le bâtard. Ouais. Putain. Ouais. Mais je Alors l'ai t'as... pas reçu encore. Ah ouais, d'accord. Je l'ai acheté vendredi et je l'ai acheté en ligne. Donc, je pense que d'ici. J'espère la recevoir mercredi parce que jeudi c'est férié. Donc, Ouais, pour Et t'occuper. voilà. pourquoi t'as acheté une PS4? Enfin, pourquoi t'as acheté Pourquoi une j'ai acheté une PS? PS4? Parce que j'ai envie de jouer aux jeux vidéo. Non, mais non, enfin, c'est pas dans le sens où pourquoi t'as. Ah, Mais. pourquoi une PS4 et pas une Xbox? Non, mais parce que, ouais, t'as des titres qui t'intéressent ou... Alors déjà j'ai toujours, enfin j'ai acheté la PS1, j'ai acheté la PS2, j'ai acheté la Voilà, PS3. c'est ça, Ah, moi c'est d'accord. pareil, je suis un mec fidèle. Je suis fidèle à Sony, mais en dehors de ça, oui, il y a Metal Gear, hein, donc D'accord. je sais même pas s'il sort sur Xbox maintenant. Metal Gear, c'est possible que ce soit plus du tout une Ouais. exclu Sony, mais Y a ouais, pas il sort beaucoup. sur Xbox aussi. Bah, les rares exclus, ça va être Uncharted qui sort dans 10 jours. Ouais, et puis il y a Uncharted aussi, ouais, que je vais prendre D'accord. forcément. J'ai fini les 3 premiers, donc. Ok. Moi, Après, c'est... je Ouais. suis pas un gros fan des jeux AAA. À part, là, j'ai cité Metal Gear et Uncharted, mais ça doit être les seuls vraiment que je kiffe. Même le Batman, j'ai fini le premier et j'ai pas fini le deuxième. Ouais, t'es le genre de mec qui achète une console à 400 euros et qui joue à des jeux indés en 2D, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Ah ouais. Bah, Voilà. exactement. Voilà. Putain. Sérieux? Oh putain. Bah moi, dis-toi, c'était mon anniversaire et mes potes ils m'ont filé 200 euros pour que je me paye la Play 4 et Ah, le c'est cool. magasin où je vais à chaque fois il est fermé. Je crois qu'il a mis la clé sous la porte, cet enculé, alors que ça fait 30 ans qu'il est ouvert. Et donc, du coup, faut que j'aille l'acheter, mais à chaque fois j'oublie. Bah, Mais la je pense FNAC. que. En fait, le magasin c'était un petit indépendant qui était pas loin de chez moi, donc j'aimais bien y aller. Et du coup, je vais devoir aller à Micromania, mais bon, il ouais, faut que j'aille à Micromania. Mais bon, c'est dans un centre commercial, j'ai pas envie de. Ouais. Mais je vais me chauffer là, je vais aller à un de ces Donc, quatre. le mois prochain, dans nos WhatsApp, on pourra comparer nos scores à je sais pas quel jeu tu vas jouer sur PS4. Je vais acheter Arkham City direct, enfin Arkham, je sais pas quoi. Celui avec la voiture, parce qu'apparemment il fait que de la voiture dans Le celui-là. dernier, ouais, mais c'est obligatoire, quoi. Je vais l'acheter celui-là. Et après, je vais voir The Witcher, j'aimerais bien l'acheter, mais bon, je commence à retrouver une vie sociale. Donc, si j'achète The Witcher, ça va encore être compliqué. Donc, je me tâte. Il y a Dark Je... Souls aussi. Attends un peu, parce qu'ils vont sortir une édition, genre tu l'auras pour 30 balles avec toutes les DLC et tout sorti, donc Ah ouais, ça, tu l'achètes pas je direct. j'avais pensé à ça aussi. Ouais, ils vont faire un truc. Que je pense qu'ils vont Enfin, sortir un DLC avant la c'est fin de obligé, l'année, ça. Hein. sûrement d'ici Noël, tu auras une édition complète, je sais pas quoi. Ah, Même mais dans... c'est un jeu où enfin, si tu attends trop longtemps, il n'y aura plus personne sur le mode en ligne aussi. Il n'y a pas de mode Alors, en il n'y a pas ligne. de monnaie sur Arkham. Là, on parle d'Arkham. Hein. Ah non, je crois que tu parlais de... je crois que Non, tu parlais de non, il Witcher. parlait d'Arkham avec les DLC. Après, je me tâtais aussi, je voulais peut-être attendre un peu parce qu'ils vont faire une nouvelle play encore qui va sortir. Donc, du coup, ça va faire baisser l'ancienne et la nouvelle, elle sera, je crois, au même prix à 400 euros. Donc, Et même The Witcher, je sais il y a pas. un mode en ligne dans The Witcher? Ah, je sais pas. Ah, j'en Ah, sais il me rien. semblait, Il me hein, semble mais ça. j'en Aucune sais idée. rien, moi. Moi, je Aucune dis idée. ça, moi, je Je joue sais pas à ces pas. jeux-là, donc. Enfin bref, il y a aussi une nouvelle play qui va sortir, donc peut-être que j'attends un peu, je sais pas, je suis en train de me De quoi, tâter quoi. ouais, maintenant, elle va pas sortir tout de suite, peut-être dans un an, et puis la nouvelle À play, Noël? c'est... À Noël? À À Noël, Noël? ouais? Ouais, je crois qu'elle sort à Noël, hein. Elle fait 4K, Bon. elle fait le café, elle fait tout. Hein. Elle fait le café, je sais pas, moi, pour moi, ça, j'ai lu ça, mais je pensais que c'était que des rumeurs, quoi. Ah, enfin moi, de ce que j'ai vu vite fait, je crois que c'était en fin d'année qu'elle sortait. Après, je vais pas aller. D'accord. Donc tu vas attendre jusqu'à la fin de l'année pour l'acheter, Bah, là. je sais pas, en fait, je me tâte, je suis en train de voir. Soit je l'achète là, soit j'attends la fin de l'année, soit l'année prochaine, je refais mon anniversaire comme ça, mes potes ils me refilent 200 euros et j'achète la nouvelle. Je suis en train de me tâter. Je Comme sais si pas t'allais les trop. mettre de côté les 200 euros là. C'est ça le truc. Donc je sais pas trop. Sinon, qu'est-ce que. Je vais passer à ce que j'ai fait moi. J'ai tartiné le cul à Vinch sur Injustice, sur Play 3. On a fait combien de Ah. parties, Vinch? Je sais pas, t'as perdu quoi 4 fois, je crois. Ouais, 4 parties. Je l'ai défoncé 4 fois d'affilée. Et Putain, donc. c'est toi. Ce qui est bien, c'est que j'ai tout suivi en plus sur Facebook. T'as carrément rage quitté tout, tu m'as dit ouais, laisse Il tomber, je perds passait trop, votre je vais temps à vous manger. insulter, c'était bien. Et du coup là j'ai un bon niveau, je suis niveau 30 et ben, j'affronte un peu tout mais il y a des fois je rage quitte quoi. Des fois je tombe sur des Japonais, les mecs ils ont pas de vie et ils sont cheatés ou j'en sais rien et quand je perds ça m'énerve et je rage quitte. Voilà. Sinon ben, j'ai acheté le Superman Earth One. Vous l'avez lu? Ouais. Ouais il est vraiment Ah, pas mal. le. De chez Urban ou en VO? Non, chez Urban. Non. Ah oui. Straczynski? Ouais. Mmh. Le Ouais, il est Terre 1 resté. qui est sorti il y a 3 ans déjà, c'est celui-là que tu Ah parles. ouais, il est si vieux que ça. Ah bah voilà, bah, je l'ai acheté. Mais Je c'était le scénario de Man of Steel. ouais, c'est ça, il y a pas mal Ouais, c'est de. possible, ouais. Ah, carrément, Il a piqué pas mal de trucs. Donc celui-là, il était bien cool. Sinon, ouais. donc j'ai fait le Infinite Crisis, donc le dernier, ça je l'ai rattrapé. Et j'ai lu d'autres trucs que j'avais acheté il y a longtemps. J'ai relu, parce que j'avais acheté il y a longtemps, le Superman Ulysse, là, de Geoff Johns. Ouais, c'est pas Ouais. mal. Ouais, c'était cool quand même, j'avais bien aimé. Et après, qu'est-ce que j'ai lu encore? Ah ouais, j'ai acheté Les derniers jours de Superman, vous l'avez lu celui-là? Ça me dit quelque chose, c'est quoi Avec encore ça? Alan Moore? Ah, c'est Alan Moore. Ah Ouais. oui. Ah bah ça Ah c'est ouais, non, bien. j'ai pas lu Bien. ça. Moi je l'ai acheté en fait, mais j'ai pas compris l'intérêt en fait. Il y a plusieurs histoires, la dernière elle est pas mal, les autres, j'ai pas bien compris en fait pourquoi tout le monde s'était touché avec ce truc. Ouais, faudra que je le relise, mais il est fin, hein, je crois qu'il coûte 15 euros. T'as toujours pas commencé Batwoman? Ah, j'ai toujours pas commencé, non. Là, je suis en train de rattraper mon retard. J'ai acheté Aquaman tome 2 il y a 3 mois. Je l'avais lu à l'époque en VO. Je vais finir le run de Geoff Johns. Après, je m'arrête là. De toute façon, il faut s'arrêter avec le run de Ah, Geoff ouais, Johns. non, mais c'est clair. Après, je vais essayer de revendre. J'ai des trucs que j'aime pas, comme Grayson. J'ai pas aimé. Après, ouais, j'ai des trucs, je vais essayer de les échanger si j'arrive à trouver des gens qui veulent bien me les échanger. Mais là, je suis en train de rattraper mon retard. J'ai plein de séries qui sont en retard. Je vais boucler Future Zen tome 4 aussi. Au moins, ça, c'est fait. Et sinon, Ça vaut quoi, Future Gen? Ça t'a plu? moi je trouve que c'est kiffant, ouais. C'est divertissant. Vu que ça se passe dans le futur, ils se permettent pas mal de trucs. Après, c'est assez riche aussi parce qu'il y a énormément de personnages. Donc, c'est pas foufou, mais moi je trouve ça cool quand même. Oh, je trouve ça se laisse bien lire, Ouais, beaucoup mieux en tout cas qu'en single. quand Moi, je les avais lus en single, enfin, single. j'avais arrêté 8e ou 9e. Et... Ouais, non, Ouais, mais. single, j'avais arrêté aussi, ce que j'aimais pas, mais là, En en TV, ça single, passe bien. tu perds le fil, t'as trop d'histoires différentes, t'as pas la suite dans l'épisode d'après, tu l'as que 3-4 numéros après, donc c'est plus digeste en TP, hein, ça c'est clair et net. Ouais. Donc je trouve ça cool. Sinon, en série, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai fini la première partie de saison de Viking. Tu regardes toi Cédric, non? Non. Y a personne qui regarde Viking? Non, pas. Tu nous avais déjà Non, demandé moi le je mois, je Viking, crois. Je le demande à chaque J'envoie tous les émission en jours au fait. boulot. J'envoie tous les jours au boulot, je vais pas aller regarder une série, quoi. Je crois que ouais, je vous demande à chaque fois en fait. Bah, en fait, là j'ai appris que bah, maintenant ils faisaient une saison de 20 épisodes, ils coupaient en deux, 2 fois 10. Avant il y avait que 10 ou 12 épisodes, là ils font en deux parties comme Game of Thrones. Donc bah, j'ai fini la première partie. C'était le meilleur épisode de la saison, parce que jusqu'à maintenant, il se passait pas grand-chose en fin de compte. Et sinon, série, bah, c'est plutôt calme, hein. Je Ah, tu continue regardes là. Banshee, non? Ouais, Banshee, ouais, Banshee, ouais. Ouais, Banshee, je kiffe. Tu regardes aussi? Ah bah je suis en train de finir la j'ai fini la saison 1. D'accord. Donc je rattrape mon retard petit à petit, mais Ouais. j'arriverai pas à finir en même temps que la série. C'est la dernière saison là qui Ouais, c'est défile, la je crois. dernière saison. Ouais. Bah, la 4, elle est cool, mais je trouve que c'est un peu différent des autres, quoi. Je vais rien dire du tout, parce que le pitch, ça va te spoiler les 3 saisons d'avant, mais ils partent un peu sur un autre délire, quoi. C'est un peu moins action, là, c'est Ok. un peu plus thriller, enquête, un peu plus glauque que d'habitude. Je trouve qu'il y a moins d'action. Mais non, c'est quand même cool. Et après, je continue Flash, mais Flash, là, c'est un peu n'importe quoi. Ils sont partis dans des délires pour expliquer qui était Zoom. C'est un peu ni queue ni tête. Vinny, tu continues à suivre, toi? Bah, j'ai vu l'épisode, pas le dernier, l'avant-dernier, celui où tu vois l'explication, genre le gars, il a buté la. Dis si tu spoil. Hein. Ouais, Préviens bah, si je vais tu spoil. spoiler, alors c'est. Je vais spoiler. Si t'as vu, là, quand il explique les origines de Zoom avec le père qui bute la mère et tout, là. Ouais. Ouais, bah, j'ai trouvé. Je sais pas, j'ai pas trouvé ça trop what the fuck, mais j'ai trouvé ça un peu bidon, quoi. Après, Et tu par contre, verras. j'ai pas compris les. Ah ouais, si, ouais, ça, j'ai trouvé ça what the fuck. Avec l'histoire de le gars, il est reparti dans le futur. Enfin, j'ai pas tout pigé. D'ailleurs, j'ai même pas pigé comment est-ce qu'il a fait. Il est parti dans le futur ou le passé. J'ai pas compris ça. Ouais, il allait récupérer un double de lui, c'est ça? Ouais, mais comment il a fait? C'est dans le passé, tu vois. Quand il a buté son double, ben, normalement, il aurait dû cesser d'exister. Si c'est dans le futur, ben, j'ai pas compris comment il a fait pour chercher son futur lui, tu vois. Donc le gars, il se suicide lui-même, quoi. Du Ouais, mais futur. il a dû prendre un. Je crois que c'est même pas un gars du futur, c'est un mec d'une autre terre, un truc comme ça. Je Ouais, je crois sais qu'il a pas. pris un mec d'une autre terre, mais après, t'as des explications, c'est en fait ça part en couille. Même les Ouais, j'ai scénaristes, ils compris, à sont. double du temps, je sais pas quoi, et là-dessus, ils ont rebondi comme l'autre. Un mec d'une autre terre, mais après, je te dis Je sais rien, tu pas. verras, mais il y a des incohérences énormes dans la suite. Là, le seul truc qui me fait tenir, c'est de savoir qui c'est qu'il y a sous le putain de masque en fer, là. Ouais, ça, j'ai envie de savoir. Et Ouais. l'épisode de cette semaine, j'ai pas encore regardé, parce que j'ai Ouais, il est vu. pas fou. Il est vraiment pas fou. Tout le monde a dit que c'était de la merde, alors ça me fait. Tout le monde a dit qu'à part les 4 dernières minutes, c'était de la merde, donc il faut que je le regarde, mais Ouais, c'est pas fou, j'ai pas quoi. encore eu le temps. Ouais. Et sinon, bah, Et il y avait. Arrow, t'as bien, t'as continué? Non, non, Arrow, je me suis arrêté, ça fait longtemps, hein. Je l'avais dit, hein, il y a quelques mois. Ouais, Arrow, j'ai laissé tomber. faut que je meure, je continue, mais j'attends qu'il y ait plus d'épisodes où je sais pas que j'ai un intérêt, quoi. Autant il y a des séries, je peux mater 5 épisodes d'affilée, mais Arrow, déjà, la moitié d'un, j'ai envie d'arrêter. Alors, me faire des binge-watching d'Arrow, c'est mort, quoi. Suicide Un peu assisté. plus, je regarde et Suicide j'avance certaines assisté, parties quoi. qui me saoulent. Hein? J'ai des fois, moi, genre Arrow, j'avais rattrapé mon retard, j'avais passé plein. J'étais en avance rapide chaque fois qu'il y avait l'autre connasse, la blonde, là. Felicity? Ouais, voilà. Ouais, c'est vrai qu'elle est insupportable. Mais bon. Et sinon, est-ce que je suis retourné au cinéma? Non, je suis pas retourné au cinéma et j'ai pas débuté de nouvelle série, je crois, si je dis pas de conneries. Non, j'ai pas fait de nouvelle série. Donc, ouais. Mais comme je disais, j'ai quand même rattrapé mon retard sur l'AVF et donc je vais pouvoir bientôt me remettre à la VO. Donc, ça, c'est plutôt cool. Ouais, tu vas être bien pour Rebirth. Ouais, bah, à Rebirth, là, je vais aller. J'ai un comic shop à Nice, je vais acheter tous les numéros 1, je pense. Enfin, au moins 10-12, quoi. De Ouais. sûr. Après, je verrai. Soit je les collectionne. Après, s'il y a des pigeons assez fous pour les racheter une fortune, je vais essayer de la revendre sur eBay, je pense. Il y a moyen, quoi. Parce que ça a pas de valeur quand même. Il y a des mecs qui vont vouloir avoir les numéros 1, c'est obligatoire. Bah c'est sûr. S'ils ne rebootent pas dans 2 ans. Donc, ouais, voilà. C'est comment il s'appelle Obi hein, qui est souvent sur Comic City, qui revend ses numéros Villain Months avec des couvertures 3D. Il les revend 200 € le numéro. Arrête, Quoi? sérieux? Ouais. Oh putain, le Les mecs, c'est des bâtard. dingues. Hein. Les mecs, c'est des dingues. Voilà mon gars, bah, t'as compris ce qu'il faut faire. Faut trouver un comic shop, t'achètes plein de numéro 1. Déjà, tu prends un numéro 1 Batman et Superman, c'est sûr que tu vas le revendre. Allez, au moins 50 € dans quelques temps. Voilà. Bon ben, Business. ouais. Business. Ouais, c'est ça, business is business. Hein. Enfin, tant que t'as des gens crétins pour te les acheter, Oh, après, mais c'est c'est. ça, mais faut jamais surestimer les gens. Hein. Si tu peux leur vendre 200 €, revends-leur 200 €. Hein. C'est ça la vie. Ok. Bon, vous avez autre chose à rajouter ou on conclut là? On peut s'arrêter là. On peut s'arrêter là. On peut Bon, dire que bah, Spectra nous a lâchés ouais, ça. comme un salopard qu'il est. Il sera de retour le mois prochain. Ouais, c'est pas sûr. Ok. Bon, bah, merci à tous et on se donne rendez-vous donc. On est quoi là? On est quoi déjà? On est où là? On est fin avril, non? C'est le 1er mai. Premier Ah mai. putain, on est le 1er mai. Et Donc. merci Fabien d'avoir participé. Ouais, Avec merci plaisir. Fabien. Mais je fais des critiques déjà sur le blog. Ouais, il est sur le blog, Fabien. Mais je sais. Et c'est la première fois qu'il participe au podcast. C'est vrai. Ah ouais, du coup, il y avait aussi Morgane qui nous a laissé un commentaire avec des questions. Mais vu qu'on l'a aussi embauché, on peut pas s'envoyer des questions entre nous, tu sais, ça fait un peu... ça, je sais pas. Donc, je lui répondrai, on s'appellera au téléphone. Donc, on se rendez-vous donc pour fin mai, début juin, pour le nouvel épisode. Merci à tous, à bientôt, ciao, ciao. À bientôt, ciao. Salut. Ciao.